Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est gratté la chatte, mais violent! Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, oh là là là là. Wow, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de flow de cast, le numéro 14. Tout simplement. Spécial. Comme à l'accoutumée, plein d'invités autour de la table, je commence tout de suite avec Julien Pestel. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Arrêtez de m'applaudir, vous êtes faux. Julien Pestel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Parfaitement, je suis Julien Pestel, comédien depuis quelques années pour Internet, la télévision et plus récemment le cinéma. Et j'ai ma chaîne YouTube également, voilà, où on propose des courts-métrages et des sketchs originaux. Et puis c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. Ils ont tout bossé. On est connectés. On s'est pas concerté. Oh ouais, bah c'est quoi le scénario qui est là ? Nous sommes aussi avec Jack Parker. Ouais. Encore. Jack Parker, dont je biperai sûrement le vrai nom en me trompant plusieurs fois. Non, ça y est, c'est bon. Ça y est, on peut le dire. Ah, oui, j'ai arrêté de me cacher. Je savais pas. Eh bien, Taous, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Taous et j'écris sous le pseudo de Jack Parker depuis 10 ans maintenant, mon Dieu. Waouh. Donc, je suis auteur de livres, d'articles, de choses en tout genre. Et plus, c'est... oh là, c'est chiant cette phrase. Mais pas du tout, elle est très bien. Peux-tu citer le nom de ton livre que tu as sorti il n'y a pas si longtemps ? En mai 2017, Le Grand Mystère des Règles est sorti aux éditions Flammarion. Voilà. Exactement. ce n'est pas une aventure d'Harry Potter, on peut le dire. Je veux dire, pour les gens qui ne le connaissent pas. Presque. Et ça n'est pas un manuel de jeux de société non plus. Presque. T'as, c'est vraiment plein de choses. Ouais. Nous sommes également avec Johnny Hallyday. Non, ok, avec Valentin Vincent. Ah. Ah, je me demandais comment c'était possible parce qu'il est mort quoi. Tout simplement. Il est vraiment mort. Bien mort. Comme Valentin, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr, auteur, réalisateur, comédien, Golden Moustache notamment. Un petit peu rocker dans l'âme, hein, voilà. Oh, bah, oui, parce bah, punk, même. On peut dire que t'es punk. Est-ce qu'on peut dire que récemment tu as punké ton tube par Je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai assez punké mon tube. Oui, d'accord. Et, moi j'ai une question, c'est si jamais on a un tube chez soi, est-ce qu'on peut te l'amener et tu le punk ? On est quatre à le faire, mais on peut le punker. Tu peux punker le tube d'autres personnes. Oui, vous ne punkez pas un tube, pas que le vôtre. On risque de repunker notre tube et vous serez les bienvenus à punker avec nous. On en reparlera dans l'émission. Et nous sommes aussi. Un habitué de la maison. C'est un champ de tir ou quoi ? Oh bah attendez, mettez les gilets pare-balles, parce que nous sommes avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors Adrien Méniel, surfeur, sur le web mais également dans le sud-ouest de la France. Hein. J'adore rider tout ce qui est aussi la puff. Je suis papa depuis peu. Comment ça s'appelle ? De 6 garçons. Mais en combien de temps ? Une fois. C'est des sextuplés. Ah, est-ce que tu peux nous dire comment ils s'appellent ? Ils s'appellent Amixem. Tous ? Tous s'appellent Amixem. Ils s'appellent tous Amixem. Voilà. Et je suis. Ce qui est une anagramme, hein, si vous. Ce sont tous, en fait, tous les prénoms sont des anagrammes de Maxime, mais le premier qui est sorti s'appelle Amixem, et après c'est des déclinaisons de ça, quoi. Donc je suis très heureux, un peu fatigué bien sûr. Bah, c'est du travail. Voilà, mais je suis. Alors je voudrais juste, parce que le Floodcast c'est beaucoup d'anecdotes. On raconte souvent des anecdotes, et depuis tout ce temps, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça fait presque 3 ans sans doute. Qu'on presque. Ouais, il y a eu des grosses pauses, mais oui. Il y a eu des grosses pauses, et je me dis, il manquait quelque chose dans mes anecdotes à chaque fois. Ok. Et je crois que j'ai enfin trouvé. L'accessoire qui va donner la petite valeur ajoutée à mes anecdotes. Je vais vous demander de fermer les yeux, je l'ai dans mon sac juste okay, à côté. Ok, d'accord, vas-y. Voilà. Alors moi, c'est pas très radiophonique, mais nous sommes en train de tous fermer les yeux. Et je dis. Et à ce moment-là, surprise. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Ah non. J'ai acheté aujourd'hui une flûte à coulisses. Ah, génial. Voilà. Très bon accent. C'est dommage que les gens voient pas parce que c'est vraiment un petit tube à piston. Bah que Valentin couleur, va punker d'ailleurs sûrement avant la fin de l'émission. C'est possible. Alors, me le punk pas tout de suite parce que je viens de l'acheter, mais il va y avoir énormément d'ADN sur cette flûte à la fin de la soirée, je pense. Il y a de très grandes chances. Le mien uniquement, j'espère. Parce que... Bah, je demandais tout à l'heure si ça tenait dans le cul. Je pense que j'ai ma réponse. Ah oui, oui. Ça peut, oui, ça tient sans doute aisément hein. Dans un cul. Après, c'est un instrument alors... pour enfants, donc calmez-vous. Est-ce qu'on peut s'excuser auprès de... J'espère que les gens qui étaient en voiture et qui écoutaient le podcast n'ont pas fermé les yeux, en revanche, pour des raisons évidentes de sécurité. Je m'adressais uniquement aux gens autour de la table. On aurait peut-être dû le dire avant, mais bon. Parce que sinon, ils vont appeler... S'ils ont un accident, ils vont appeler une ambulance. C'est là qu'on voit les limites de l'instrument, finalement. On était plein de rêves là dans les yeux, dans les oreilles. Et puis j'aimerais, on dit, j'aimerais quand même indiquer. Il m'a rattrapé. J'aimerais indiquer aux gens que ce n'est pas un effet sonore que j'ai rajouté au montage. Ah non, c'est... Ça a été fait avec un instrument. Ouais. Là, c'est du talent, tout simplement. C'est du vrai. De la marque Fuseau. Qui me sponsorise. Qui me sponsorise. J'aurai un nouvel instrument par émission. Écoutez, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Comme à l'accoutumée, on va commencer avec bah, le truc culturel qu'on a mangé récemment, que exact. Ce soit théâtre, ciné, télé, Netflix et compagnie. C'est marrant que tu commences par théâtre parce que je suis sûr que ça n'arrive jamais. Et c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. J'écoute c'est pas arrivé. L'émission. Mais non, je sais. Je sais bien. Je sais bien. Et bah, d'ailleurs, galanterie oblige, on va commencer par Adrien. Ah. Eh bien, je suis en train de, par de, Valentin. De chercher un oui. nom. Mais Alors moi j'ai un jeu vidéo. Ah, lequel nom qui s'appelle Firewatch et non pas Overwatch. Et non, mais, ça n'a alors, rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Tu veux dire le jeu que j'ai donné comme mon c'est truc vrai. Culturel il y a 20 c'est émissions c'est et qui est sorti il y a 2 ans. Bah oui, mais je suis pas venu depuis 2 ans et je c'est le vrai. Garde de côté. Mais Tetris. C'est un très bon jeu. Et ben, eh bien, alors je vais parler d'un film sur Netflix qui s'appelle The Fundamental of Caring. Oh putain, ah oui, très bien. Avec Paul Rudd. Avec Paul Rudd, oui, oui. Très bien. Non, mais du coup, je voulais parler. Bah, je vous invite à écouter Adrien qui parle de Firewatch, si c'est le cas, parce que c'est un excellent jeu narratif. Et donc non, j'ai bah c'est vieux aussi, je m'en souviens plus très bien, mais je suis tombé sur The Fundamental of Caring, je le prononce très mal, sur Netflix. T'inquiète. C'est de l'anglais, qui est ça. Comme tout à fait. Ouais. Non, qui est un petit film, c'est un film Netflix, mais un petit film Netflix. Ça sent l'indé, il y a un parfum indé quoi. Il y a un parfum indé, c'est avec Paul Rudd, Selena Gomez et un acteur dont j'ai complètement oublié le nom parce que je pensais pas parler de ce film du tout. Christian Clavier. Disons Christian Clavier. Non, et c'est un film en fait qui aide-moi parce que. Quel en est le pitch ? Quel est le pitch ? Bah justement, j'avais pas prévu d'en parler. Ah, film, bien bah oui, tu l'as pas vu. C'était un myopathe. Non, je suis pas sûr que En gros, c'est donc un enfant handicapé dont j'ai oublié la maladie, mais qui est handicapé. Et qui est sur un fauteuil et qui sait qu'il va pas vivre très, très, très longtemps. D'accord, ok. En fait, il peut pas marcher, il a du mal à respirer, il a besoin d'un respirateur. Il est très cynique et il fait beaucoup d'humour noir, beaucoup de blagues sur le fait qu'il a une situation de merde. C'est Jérémy Ferrari un peu. et Paul Rudd doit s'en occuper. Joue le rôle de Nagui, accompagné par Selena Gomez qui fait Sophie Davant. Mise en scène absolument sublime. J'ai absolument pas la fête. Le téléthon. 36-37. J'aime pas non plus, j'avais ri quand même. Et donc Paul Rudd décide de le sortir un petit peu, et donc voilà, c'est un road trip entre Paul Rudd. Oh, c'est intouchable, on peut le dire, c'est intouchable. Voilà. Non, mais c'est un petit. Mais en fait, je ne savais pas du tout quoi voir et ce que j'allais voir, je l'ai vraiment lancé au hasard. Et c'était très bien, plein de bonnes intentions. Enfin, c'est vraiment un beau film. Un feel good movie. Un film, exactement. Exactement. Non, c'est vraiment très bien. Et rappelle... Selena Gomez est très bien dedans, très surprenant. Je la connaissais peu à part de nom et de réputation. De réputation, voilà. Des chansons. Hein, t'as dû danser dessus aux soirées Mademoiselle, toi, je te connais. Oh, j'ai peut-être imité Mick Jagger. très très gros stuff. non voilà, très bon film. Rien d'accord, de d'accord. Et rappelle-nous où est-ce qu'on peut le voir alors. C'est sur Netflix. Netflix. Et c'est une production Netflix. C'est une production Netflix. Et voilà. Netflix. J'aimerais vraiment qu'ils sponsorisent. Mais Firewatch, très bon jeu. Hein. Bah, dis-nous en deux mots, c'est parce que les gens réécoutent pas. Bah pas oui, tous. Bien alors, sûr. Ça c'est quoi le Firewatch, c'est un jeu narratif où tu joues un garde forestier Et en gros, c'est vu à la première personne, tu vois un garde forestier, et tu, le seul contact que t'as, c'est avec une petite radio à une autre garde forestière. Chiant! Et il commence à... et non, et en fait, il commence à se passer justement des choses un peu bizarres. Genre, ah ouais. des gens ont disparu, on te dit, ah, va voir à tel endroit, j'ai vu des campeurs. Bah, tu réponds, bah non, ils sont plus là, c'est bizarre. Salut, c'est Franck Dubosc! je me lance aussi un peu dans les imitations. Pas mal. Et donc voilà, donc c'est toute une histoire un petit peu pleine de mystères. Voilà, très bonne ambiance. Très bien. Taous, quelle est la chose que tu as consommée culturellement récemment et que tu as envie de partager avec nous-mêmes? Bah, comme j'avais absolument pas préparé l'émission, du coup, je vais devoir improviser. Il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé mais qui est sorti l'année dernière. C'est très bien quand même. Bien. Voilà, qui est pas encore sorti en France et qui est sorti qu'en anglais. Donc les en deux plus, trucs voilà, de Valentin vraiment, ça... sont sortis il y a deux ans. C'est vrai. Du coup, ça va toucher un public un peu réduit parce que c'est seulement si vous lisez en anglais, mais ça s'intitule Meddling Kids de Edgar Cantero. Et c'est un roman qui reprend un peu les codes de Scooby-Doo. D'accord. Oh. Mélangé à Lovecraft. D'accord. Oh. Voilà. Bien sûr. Donc le pitch est génial. C'est en fait une bande de gamins qui se retrouvaient toujours au même endroit l'été pour vivre des aventures et pour chasser des monstres. Et en fait, à chaque fois, c'était exactement comme dans Scooby-Doo. C'est-à-dire, ah non, en fait, c'est pas un monstre, c'était juste un mec qui essayait de... Le patron du parc d'attractions. Exactement. Ouais. Okay. Sauf que là... Et sauf que leur dernière mission, il s'est passé un truc qu'ils ont jamais su s'expliquer. Et il y a un des gamins qui s'est suicidé entre-temps. Et 15 ans plus tard, ils se retrouvent. Voilà. Ce qui est moins présent dans Scooby-Doo, si je puis me permettre. Voilà. Donc, c'est l'après. C'est la dernière saison, ils meurent tous quand même. Et du coup, ils se retrouvent 15 ans après pour finir cette mission. Parce qu'ils ont tous des vies toutes pétées à cause de cette aventure dont ils ne se sont jamais vraiment remis, et ils se rendent compte que bah, là il y a vraiment un grand méchant très Lovecraftien avec un truc au fond d'un lac et des tentacules du coup, ben voilà, qui part complètement en sucette. Et c'est extrêmement drôle, extrêmement bien écrit, et les protagonistes c'est vraiment marrant. Très marrant, mais c'est de l'humour très noir hein, mais c'est hyper marrant. Il y a des personnages féminins hyper intéressants, ce qui est évidemment une composante importante pour les gens comme moi. Bon, c'est un plus quoi. Je plaisante. Donc une des héroïnes d'ailleurs est une femme lesbienne d'origine latina, donc ça fait un peu de un truc que vous verrez au ciné dans 30 ans normalement, probablement une héroïne lesbienne latina. Bah, il y a Michelle Rodriguez hein, mais c'est vrai. Ouais, mais elle est un peu de justement elle a un peu une vibe de Michelle Rodriguez mais en plus cool et en plus subtile, et elle joue mieux dans le livre. Allez, bim! Voilà. Allez, dans tes dents, Michelle Rodriguez, que je sais qu'elle écoute l'émission. Voilà, ouais, donc ouais. C'est en public réduit, mais si vous lisez en anglais et que vous aimez bien les histoires un peu horreur, fantastique, c'est vraiment très très cool. Si c'est une bonne histoire, ça va être traduit un jour ou l'autre. Non j'espère. C'est peut-être traduit déjà, non? Tu sais pas? Je sais pas, mais c'est vraiment sorti, je crois, en octobre dernier, donc c'est pas pour ça. C'est quoi? Je le traduis. Oh, allez, vas-y! Là, tout de suite en direct. Ouais, alors. The, c'est un bon, ça, le là, ça dépend. Ah, ils ont un chien aussi. Ah bah voilà. Il s'appelle. Ah bah, j'ai oublié. Ah. Mais c'est le club des cinq version gore. Exactement. Ça, j'y ai pensé. J'y ai pensé tout de suite. C'est tout à fait ça. Ça reprend vraiment les codes des trucs d'enfance comme ça, sauf que ça part complètement en sucette et c'est vraiment très cool. Et bah, on a même envie que ce soit adapté en film. Exactement. Bah, allez, je le fais. C'est The Faculty. The qui est le ou la. Et Faculty, bon, ça doit être la faculté à mon avis. La fac, le corps quoi. Enseignant. Julien Pestel. Oui. D'ailleurs, dans le livre, ils se font découper le corps enseignant. Ça, je regarde, je sais. Oh, ah, oh. Julien Pestel. Sur la flûte. C'est dommage. Faut pas, pas l'épuiser trop vite. Ah ouais. Un bon gag comme ça, c'est comme du vin. On le laisse un peu en bouche. Mais après. Julien Pestel. Oui. Qu'as-tu apprécié récemment dans le domaine du culte Avec ma chérie, nous sommes tombés il y a pas très longtemps sur une série Netflix que vous connaissez peut-être, qui s'appelle The Good Place, avec Kristen Bell, notamment. Et on a accroché dès le premier épisode, je vous la fais courte, donc l'histoire, c'est une jeune fille qui se retrouve, dès le premier épisode, au paradis, parce qu'elle est décédée, malencontreusement. elle se trouve au paradis, on lui présente ses quartiers, etc. Et très vite, elle se rend compte qu'en fait, elle n'a pas sa place au paradis, que c'est une erreur. Donc, elle va essayer de cacher ça, pour que les gens du paradis autour d'elle ne s'en rendent pas compte. Et là, il commence à se passer des choses bizarres, certainement à cause de sa présence. Et après, voilà, il se passe plein de choses. Faut pas spoiler. Voilà. Mais il se passe beaucoup de choses. Et c'est très agréable à regarder aussi. Et c'est très drôle. Oui, c'est extrêmement très drôle. Et ça joue et c'est tellement très bien. Écrit. Ouais. Mais les FX sont pas tous ouf. Non, c'est dégueulasse. C'est un petit bémol. C'est complètement dégueulasse. Voilà. Mais après, il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est très bien. Et le créateur, c'est Mike Schur, qui est à l'origine de The Office, de, par Parks and Rec et de Joséphine, Ange Gardien. Ange Gardien. Où les filles sont déjà beaucoup mieux. Où les filles sont pas mal. Megan Amram, qui est auteur, ouais. Voilà, qui est auteur et qui supervise, enfin, qui est la chef d'écriture et qui est une des nanas les plus connues du Twitter US. Même Megan Amram. Enfin, comme tous les gens qui se sont fait connaître via Twitter ne tweetent plus maintenant. Parce ouais, voilà. Elle a du taf. Si, elle a un tweet récurrent qui est aujourd'hui est le jour où Donald Trump est devenu président et elle le tweet tous les jours. C'est un robot, quoi. Voilà. Et sinon, elle tweet sur The Good Place, mais effectivement, elle a énormément de talent et ça fait plaisir de voir de l'avoir dans un projet pareil, quoi. Complètement. Tout à fait. Mais elle était auteure déjà sur Parks and Rec. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais. Ah putain, je savais pas ça. Bah, tout à fait. Nos artisans ont du talent, j'ai envie de te dire. Voilà. Et là, du coup, c'est la saison 2 qui vient de se terminer. Et à première vue, ils sont déjà en train de préparer la saison 3. Et t'es à jour ? T'as tout fini ? Oui. Sans faire exprès, on est arrivé au dernier épisode. Et on s'est dit, à la suite ! Et non, il faut attendre. Ouais, voilà. Et c'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Sur Netflix, oui. Ouais, mais sur Netflix, il fallait attendre un moment. Enfin, genre, il y avait un par semaine, je crois. Enfin, oui, ça sort coup, parce que ça sort pas sur Netflix aux États-Unis, je crois. Non, c'est un partenariat avec. Ben, genre, comme Riverdale et Dynasty et ce genre de trucs, c'est un partenariat avec des chaînes et du coup, ça sort un peu après. C'est un peu genre OCS plus 24. Oui, c'est ça. Avec Game of Thrones. Sauf que les sous-titres ne buguent pas, ce qui est quand même mieux. Et bim, OCS, dans vos grosses gueules. Ouais, vous aviez qu'à nous sponsoriser, putain. Eh bien, quant à moi. J'ai lu un petit bouquin. Non mais ça va arriver. C'est bon. Parce que vous ne voyez pas, mais on se fait des grands signes. Je disais, non, t'as oublié Adrien. Il va se fixer, non mais c'est bien de changer l'ordre. Mais je change. Je vois pas que mais Adrien, que c'était toi. Pas la flûte sa découverte. Bah non. C'est ça le truc, c'est que tu dis waouh, ça doit être ça son truc culturel. Non, j'ai autre chose. Ça c'est juste comme ça en bonus. Ça c'est un cadeau. Ça non. C'est pas du pipeau, mon pote. Oh, allez. Oh là là. J'ai lu un livre que j'avais commencé en anglais et je suis pas full bilingue donc j'avais vite abandonné. Alors parce que je le vois, c'est marqué là, c'est le ou la. The Disaster. Ou l'est d'ailleurs. Mon niveau d'anglais, c'est vraiment un le ou la, moi. The Disaster Artist, un livre de Greg Sestero et je découvre un gars qui s'appelle Tom Bissell, alors je sais pas qui c'est. Mais Greg Sestero, c'est qui ? C'est un comédien qui a joué dans le film The Room de Tommy Wiseau. Peut-être juste The Room, peut-être sur le premier mot, Valentin. Alors, voilà, je pense que sur The Room, ce serait le ou la. Bah, Room, ce serait. Alors, je crois que c'est chambre, donc du coup. Alors, c'est la pièce. La pièce. Là, ouais. Donc, c'est là, après. De là. Là, du coup, là. C'est là. Das Zimmer, en allemand. Pour les amateurs germanophones. Et on sait qu'ils sont nombreux. Donc The Disaster Artist, donc oui, Greg Sestero est un comédien qui joue dans le film qui a été considéré comme le pire film de tous les temps, à savoir The Room. The Room de Tommy Wiseau. Et en fait, ce film, vous le connaissez sûrement si vous écoutez ce podcast, parce qu'on vous connaît les nerds, hein ? Vous êtes furieux de nanar. Et donc, c'est un film unanimement reconnu comme très mauvais. Il va y avoir une adaptation au cinéma qui est sortie aux États-Unis, qui va sortir en France, je crois, dans 2 mois, un truc comme, enfin, en tout cas, 8 ans après la sortie américaine, avec entre autres Seth Rogen. Et le film, je l'ai pas vu, même si apparemment il est dispo sur tous les torrents de la Terre. Ouais. Je confirme. Ouais, tu l'as vu ? Non, j'ai pas envie. D'accord, ok. Ouais, moi, j'aimerais bien le voir, mais je. Bon, voilà. Non, j'ai envie de le voir, mais j'ai pas envie de. De en fait, je veux le pirater après la sortie. C'est d'accord, psychologique. Okay. D'accord. Moi, j'ai une carte UGC, donc on va essayer de la rentabiliser. Hein. Mais en gros, voilà, c'est un bouquin qui est super parce qu'en fait, ça raconte. C'est Tommy Wiseau, c'est un réalisateur, mais qui est complètement fou et qui est complètement dans son univers. Un vrai mec qui existe vraiment. Qui existe vraiment. C'est pas un personnage de fiction. Non, c'est un vrai mec. Et en fait, on le sentait en regardant The Room qu'il était particulier. Et juste ce livre te raconte effectivement qu'il était particulier de A à Z. Parce que les gens vendent le bouquin comme étant en gros le making-of de The Room. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ça va au-delà de ça. Parce qu'en gros, Greg Sestero, Sestero raconte sa vie avant et après le film. Et en fait, Tommy Wiseau a une relation très particulière avec lui. Il déteste sa meuf. Enfin, il y a des trucs vraiment pervers, chelous avec Tommy Wiseau et Greg Sestero. Et après, il raconte le après, à savoir le film est devenu culte alors qu'il a fait 10 entrées, mais les gens ont vu en disant putain, mais c'est nul, c'est incroyablement nul, et du coup, ils ont fait des séances partout. Ça a atteint un tel niveau de nullité que ça en est devenu culte. Culte, voilà, c'est comme, et surtout que ça. Comme Troll 2 comme à l'époque. Troll 2, ouais. Et Birdemic. Entre autres, ouais, carrément. Non, et surtout que du coup, ça en fait un film qui a des prix, le film adapté du livre. Oui, le scénario, le scénario est nommé aux Oscars. Et James Franco a eu un Golden Globe. Et oui, le scénario a été nommé aux Oscars. Et donc ouais, non, c'est un super bouquin. Moi, je voulais le... Ça fait longtemps que je voulais le lire. Et ouais, bon, vraiment, je suis une quiche en anglais. Donc, je suis trop content. C'est les gens de Panic Cinema et de Chroma qui l'ont traduit et qui l'ont sorti, qui sont des gens qui... Ah, là, c'est la version française. C'est la version française. Ils le sortent en France. Ils profitent de la sortie au cinéma du film de Franco pour ressortir le bouquin. Très propre. Totalement culte. Bah, il y a Norman avec Norman nous autour Tavo. De... Ouais, c'est ça. Je suis Norman Tavo. Et donc voilà, le livre est vraiment très cool, très drôle, parce que ça reste extrêmement, extrêmement marrant et super intéressant, parce que ça reste tu vois, l'œuvre d'un passionné quand même, parce que Tommy Wiseau, derrière son manque de talent, est un mec qui adore le cinéma, quoi. Donc c'est super intéressant à voir. C'est le Ed Wood moderne, un peu. Oui, c'est le The Room, mais souvent considéré comme le Citizen Kane des mauvais films. Voilà. C'est genre, il y a tout. Il y a le même bouquin qui sort sur le Golden. Les Web Comedy Awards. C'est ce que je voulais dire. T'es en pleine forme, toi, ce soir, j'ai l'impression. Pas un mot n'est le bon à la sortie de ta bouche. Non, parce que je voulais dire le deuxième sketch show Golden. Voilà. Avec Alice et Moon. Il y a la même chose qui sort. Une belle merde. Je rigole, je l'ai pas vu. C'est le troisième, hein, avec Alice et Moon. Pardon, je l'ai pas vu. C'est le troisième. Valentin a clairement pété les plombs. Putain. Je sais pas quoi faire, je sais pas si je veux que tu coupes ou que on peut tout faire. Voilà. Non, par contre, en vrai, je ne l'avais pas vu et du coup, je m'excuse évidemment énormément auprès d'Alice et Moon. Adrien Méniel. Alors, oui, qu'est-ce que tu as consommé récemment que tu as aimé? Alors, moi, c'est très récent parce que c'est un film que j'ai vu avant-hier sur Netflix qui s'appelle A Futile and a Stupid Gesture. Les amoureux de l'anglais se régalent, hein, ce soir, on peut exact. Le dire. qui est un film de David Wayne, dont j'ai déjà parlé, je pense. C'est un de mes réalisateurs préférés. Il a fait... notamment le film Role Models, bien sûr, que je cite souvent comme une de mes comédies préférées. Ah, j'aime le truc avec Stifler, là. Ouais. Ouais, et Paul Rudd. Et j'aime une souvent fois. Citer le titre français qui est, je le rappelle, Mission 95C. Ah oui, c'est très vrai, bon titre français. Ah. Avec ses affiches dans le métro et ses seins énormes. Il y a des gros seins. Ouais. Et alors, t'es sûr de ça? Parce que moi, j'étais allé voir sur IMDb et il me semble que c'est pas. Il avait traduit les grosses toutounes. Bah, en fait, c'est ce que je disais. Il a deux titres. Il a deux titres. Il a Les Grands Frères, qui est un peu plus. D'accord, voilà. Et Mission 95C. Très bizarre, d'accord. Parce que moi j'avais vu Les Grands Frères, mais d'accord. Attends, parce qu'il y a Théos qui fait un malaise, il faut lui apporter de l'eau. C'est les gros toutounes. Ça marchait bien, cela dit, quand on Ah oui, dis donc, ça a l'air d'être ça. Mais ça n'a rien à voir avec le film, c'est ça qui est fou, quoi. La punchline, faites appel à des experts. Mais ça n'a rien à voir avec le film, putain, c'est fou, quoi. Bref, ça. Sachez en tout cas qu'il est dans le pack sexy comedy avec American Pie, Campus en folie. Mais voilà. C'est fou, c'est ça n'a rien à voir. Bon, bref, bah, tu m'as énervé, voilà. Non, il a aussi fait un film que je recommande parce que personne ne l'a vu qui s'appelle They Came Together, qui est un pastiche. Sur l'orgasme en commun. Un truc qui arrive jamais avec mais ma meuf. C'est le jeu de mots. Ouais, voilà, c'est le. Parce c'est... que je dois la faire jouer avec ma langue parce que je suis mauvais avec ma bite. C'est. Bah, je connais. Excusez-moi, pardon. They Came Together. Ah oui. Et... rien à voir avec Joula comme Beckham. Non, c'est le titre français par contre. Bon, en tout cas, je suis ravi. Vraiment, on pourrisse mon moment en m'interrompant pour dire de la merde. Si seulement j'avais un flûte. Pardon. C'est dur l'enregistrement, mais au montage. Non, mais t'inquiète pas. Voilà. Non, on peut laisser, il n'y a pas de problème. Et donc, They Came Together, qui est un pastiche de comédie romantique avec Paul Rudd, encore une fois, et Amy Poehler. Bien sûr. Excellent. Mais en fait, David Wayne, c'est aussi celui qui a fait Wet Hot American Summer. Une série. Et, bon, voilà, pour moi, vraiment un mec extrêmement drôle et brillant. Et là, il a fait ce film, donc A Futile and Stupid Gesture, qui est en fait qui retrace, c'est la biographie de Douglas Kenny, qui est donc en fait un mec qui était quand il était à Harvard avait créé le magazine d'humour de Harvard qui s'appelait The Harvard Lampoon. Ah, et, est-ce que c'est le truc qui est devenu The National? Voilà, c'est okay, ça. Pardon. En fait, ça et en gros, à la fin de ses études, il s'est rendu compte qu'il avait fait, putain, je suis vraiment connard, j'ai le mot anglais, mais j'ai pas le mot. Il avait posé sa candidature pour aucune fac ensuite. D'accord. Donc, il a dit bah, je vais essayer de faire un vrai magazine de ce truc-là. Et donc, ça raconte la création de The National Lampoon, où donc il a fait appel à plein d'auteurs, etc. Et puis, ça raconte la vie de ce mec. Ça, donc dans sa vie, bah, il y a des hauts. Mais évidemment, malheureusement, il y a des bas. Il y a des milieux ou pas? Ça, c'est coussi coussa, quoi. Et non, et puis bah, le mec après a fait du cinéma, etc. Enfin, c'est, et puis bah, c'est une, alors c'est vraiment bah, la mise en scène, la narration est vraiment vraiment bah, très propre à ce que fait David Wayne souvent. C'est très créatif, c'est bien cadré, original, quoi. C'est bien cadré, ouais, ouais. Ouais, on voit tout ce qui se passe. Les ISO sont, il y a la bulle, ouais, y a la bulle. Chant contre chant, t'es pas perdu, mon pote. T'es la règle des 180 et tout. Non, en fait, c'est très marrant. Bon, en fait. Bah, tu nous fais marrer. Bah oui, pardon, bah, pardon. Non, c'est très drôle. Alors, c'est aussi, bon, ça, enfin, ça traite aussi de sujets, moi, qui m'ont un peu mis, enfin, un peu, ça a un peu réveillé. En PLS En PLS. Non, pardon, ça, Taos, ça... tu maîtrises les termes d'internet. Je suis jeune, ouais, je suis extrêmement jeune. Putain. Alors, la MIF, laissez-moi parler, enfin. QLF. Allez. Je et fais mon pouce et mon index sont en train de se joindre. Là, attends, je vous le dis, je préfère vous le dire. C'est toi, parce que je me demandais qui a fait ça. Bah, c'est moi. Et si tu te demandes où se situe le respect, il est à mes côtés. D'accord, voilà, ça tourne mal. Moi, je t'écoute, Adrien. Ouais. En plus, c'était le moment où j'étais en train de dire que ça avait réveillé des angoisses. Oui, mais donc, je l'ai senti. Cool, ouais, voilà. Non, non, mais c'est très marrant. Mais bon, ça, voilà. Après, c'est vraiment un truc très perso. Ouais. Voilà, mais enfin, c'est vraiment un super. J'étais vraiment. J'avais envie de le voir. C'est avec Will Forte qui a le premier rôle. Il y a aussi plein de guests. Ah, mais c'est le truc qui vient de sortir sur Netflix. Absolument. Je savais pas que c'était réalisé par David Wayne. Voilà. Putain, ça vient de sortir sur Netflix. L'affiche est dégueulasse. J'avais pas du tout envie de regarder. Et du coup, elle est un peu mieux que Transformers 5. Allez, un peu mieux. Oui. En fait, l'affiche est une ref à une couve mythique de The National Lampoon. D'accord, ok. Où il mettait un flingue sur la tempe d'un chien. Oui, bien avec sûr. Avec écrit, si vous n'achetez pas ce magazine, on tue ce chien. Ouais. Et attends, mais Harakiri, ils n'avaient pas refait un truc comme ça? Je crois qu'ils ont dû complètement... Bah, je pense que Harakiri, c'est quand même pas mal inspiré de... Gros plagiat. Parce que ça me dit vraiment quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose aussi maintenant. En le disant, je me suis dit, mais non. Oui. Gros plagiat. Charlie, ça. Gros plagieur. Non, mais c'est vraiment très, très bien, quoi. D'accord. Et je recommande. Mais National Lampoon, qui est une institution aux États-Unis en plus, et qui... Enfin, toute la comédie US quasiment vient de ces gars-là. Mais c'est marrant parce que ça n'a jamais passé la frontière pour le coup. Oui, c'est une référence que personne n'a en bah, France. Tu dis Chevy Chase en France, personne ne voit qui c'est, alors qu'aux États-Unis c'est comme Bill Murray. Même quoi. Le mot lampoon, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Bah, Valentin, toi qui es bilingue, lampoon, tu l'as déjà entendu. Juste lampoon, non. The lampoon, oui, mais juste lampoon. Non. Et plus the que lampoon, on peut dire. plutôt la première partie. D'accord, donc tu conseilles. Ouais, moi j'ai vraiment. Après, c'est peut-être pour les. Un peu pour, en particulier pour les comédies nerds, parce que c'est. Mais après, en même temps, ça raconte aussi la vie de quelqu'un en dehors de. Enfin, ça raconte les angoisses et les questionnements des gens, donc ça reste visible par tout le monde. Plus si vous êtes comédie nerd, ça vous plaira encore plus, je pense. Mais d'ailleurs, voilà. Toi, Julien, t'étais à New York là, il y a pas longtemps. T'as profité pour aller voir des trucs un peu comiques ou t'as juste un peu fait le tourisme? Absolument pas. C'était la première fois que j'y allais. Pour moi, c'était une grande première. Même j'avais jamais traversé l'Atlantique. J'étais resté qu'en Europe, tu vois. T'étais jamais allé aux States? Ouais. Donc c'était une grande première pour moi. Déjà, j'ai mis 3 jours à me remettre du voyage. Parce que moi, je suis un flippé de l'avion et puis j'ai même mis 3 jours à réaliser que j'étais à New York. Parce que des fois, les avions. Arrête, il me fait peur, il m'angoisse. Non, on est allé voir une comédie musicale, par contre. Comment s'appelait-elle? Anastasia, qui est une adaptation en musicale du dessin animé. Anastasia, oui. La Belle et la Bête. Et c'était chiant. C'était terriblement chiant. Ils ont enlevé tous les trucs les plus sympas du dessin animé, à savoir la magie et le personnage de Rasputin. Il n'y a pas Rasputin? Et non. Ah, la vache. Donc en fait, tout le monde est gentil dedans. Il n'y a pas Bartok? C'est qui Bartok? La chauve-souris. Non, Wartek. Ça n'existe pas. Non. Mais est-ce que la musique d'intro, c'est toujours... Salut, c'est Anastasia. J'ai inventé, hein. C'est une fausse question évidemment. C'est la même en mineur, je crois. Je suis même surpris d'avoir réussi à jouer un truc qui ressemblait à quelque chose. Non, enfin voilà. Après, t'es vraiment à Broadway, donc les mecs sont ultra calés. Ils chantent super bien. Oui, ils jouent super bien. T'es à Calais ou à Broadway? Faudrait savoir. Le bruit de ma blague. Je vais te buter. Je vais te buter. Tu le refais encore une fois. Je vais te buter. Donc Anastasia, pas ouf. Pas ouf. D'accord. Par contre, mais des places seulement à 280 €, donc ça va. Oui, en plus. Ouais, ouais, je reviens du Japon, moi, en parlant de voyage. Oh là là, vous êtes tous partis partout dans le monde. Parce que du coup, je n'ai pas vu de comédie japonaise, mais j'ai vu un concert d'idoles qui faisait du métal. De quoi? D'idoles japonaises. D'idoles, la petite non, souris Diddle... Sur les cahiers de correspondance des idoles japonaises. Ah, ah, et qui punkaient pas mal en métal. Elles punkaient leur tube aussi. Elles punkaient pas leur tube, mais... et c'était assez incroyable. Mais c'est voilà. Pas baby metal ou je c'était sais pas C'était pas baby metal, c'était... C'était... The... Alors, The, ça je sais. Non, mais c'était bon, tu les as vus où sur un, dans une boîte ou... Non, dans une petite salle de concert à Tokyo. Et si, pour l'anecdote, on a vu un autre concert. J'étais avec Julien Josselin là-bas. On a vu un autre concert de rock. On n'avait aucune idée de ce qu'on voyait. Et en fait, il y a eu un C'était les silence. Stones. Mais ouais, pas de bol. Mais qui chantaient en japonais. Ouais. Et non, on voit le concert. Et là, il y avait quand même... Ils jouaient vachement bien. Il y avait de l'ambiance sur scène. Le morceau s'arrête. Et nous, on commence à applaudir comme deux cons, et on était les seuls, et vraiment, il y avait un silence mais de mort dans la ouais. salle, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que... Et là, Paris, vous regardez sur Internet, Johnny est mort. Oui. Du coup, personne n'a applaudi. Ah, alors, tu me fais rebondir, après j'arrête de parler de ce voyage, mais on a fait un karaoké, évidemment, et dans le karaoké, il y avait du Alizé, il y avait du France Gall. C'est le star là-bas, il y avait du Michel Delpech, je crois, ouais. Mais il n'y avait pas de Johnny Hallyday. Ah, tiens donc. Voilà. Donc j'ai pleuré, évidemment. Pour des raisons évidentes. Et donc oui, Julien, donc Anastasia, mais t'as fait quand même tous les trucs touristiques. Est-ce que t'as kiffé les hot dogs, oui. Ouais. Ça, j'ai beaucoup pratiqué le hot dog dans la rue, le hot dog sauvage, la saucisse italienne qu'ils appellent, qui est une saucisse épicée, que j'ai beaucoup appréciée. Tu as aimé l'American Hot Dog. T'es déjà dans le thème du Floodcast, je crois. La bouffe. Non, tu as kiffé t'es resté combien de temps? Une semaine. Ah oui, c'était une semaine. Et bah, on est là, j'en profite. Anecdote, nous arrivons à JFK après la tempête de glace, le lendemain. Oui, il y a eu une grosse. Oui, pour les gens, pour resituer, il y a eu des températures très froides à New York. Très froid. Bah, les températures ont chuté, quoi. Et on atterrit. Et manque de bol, il restait une seule porte dans tout JFK pour débarquer de la totalité des avions. Ah. Donc on a passé 2 heures dans l'avion à attendre. Il y avait vraiment une file indienne d'avions comme ça qui voulait tous aller à la même porte. On sort enfin de l'avion, on poireote, on arrive aux États-Unis. Et là, eh bien, pas de bagages. Ah, comment ça? Et les gens nous expliquent, les employés de JFK nous expliquent qu'en fait, depuis hier, tous les bagages de tous les vols internationaux sont dans un hangar. Ont été cachés dans l'aéroport. Le jeu, c'est de les retrouver. Et j'ai récupéré ma valise il y a 3 jours à Paris. Oh putain. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai bouclé ma valise à Paris. Elle est allée aux États-Unis. Elle y a passé une dizaine de jours. Puis elle est revenue. Et je l'ai rouvert à Paris. Elle a entre-temps, je ne l'ai pas ouvert. Ou pas hein? Elle a apprécié son voyage. Elle m'a raconté, elle a kiffé. Vous n'avez pas vu les mêmes choses. Elle a pris des couleurs. Bref, voilà. J'ai ouvert. Donc tout était propre, plié comme je l'avais laissé. J'ai eu qu'à ranger dans l'armoire. J'étais ravi. Putain, au prix où on paye. Ouais, non, mais. Ah ouais. Oh, mais surtout que, voilà, en sortant de l'aéroport, tu sors là-bas, il fait moins 15. Et moi, j'étais habillé comme ça, en survêt, avec mes petites baskets. Pas très prévoyant, peut-être. Ouais. Oh, peut-être on peut critiquer une certaine. Parce ouais. que si la pub m'a appris un truc, bon vivant rime avec prévoyant. Et tu vois, moi, je te croyais bon vivant, bah, pas tant que ça, finalement, tu vois. C'est pas tout de bouffer du sauciflard. Pour être bon vivant, faut aussi être prévoyant, et tu l'es pas. Donc, t'as encore un petit peu d'effort à faire. Et Valentin, donc toi tu as fait le Japon. Oui, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, c'est allé très bien. Écoute, on n'a pas de thème. On est en train de meubler. Et ben bah, non, on le Japon. On est qu'à 25 minutes. Là. Le Japon, c'était incroyable parce que c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça mélange à la fois un côté très très traditionnel où tu peux croiser des gens. Des pendus. Oui, on n'est pas allé dans la forêt des pendules. Ouais. C'est et con, il y avait un buzz à faire. Hein. Ouais, c'est vrai, vous avez raté. Un nouveau Jules Faux. Un bon jam avec Julien là-bas. T'es passé à côté d'un bon buzz. Ah, on peut le dire. Punk mon tube avec une petite branche pour faire être banguer les pendus. C'est vous vrai. Auriez pu punker votre tube ouais, complètement. On a loupé un truc. Et donc oui, non et puis et à la fois voilà le côté très très high tech avec des salles d'arcade de 8 étages juste à côté de temples et les deux se mélangent très bien. Et non, voilà, tout ce qu'on raconte est vrai. Voilà. Ouais. Donc, marqué Japon sur Google et puis voilà. c'est vrai. mais toi, donc t'es parti avec Julien Josselin, t'avais fait l'Australie avec lui. J'avais fait la Nouvelle-Zélande aussi. La Nouvelle-Zélande, on était resté un mois et demi et là 3 semaines et ça s'est bien passé. Donc voilà. Et Nouvelle-Zélande, t'avais kiffé? Ah ouais, pareil. Tout c'est très très beau. Beaucoup de salles d'arcade aussi. Non, il n'y a personne en Nouvelle-Zélande à part des Français et des Allemands et des moutons. Et quelques hobbits. 3 hobbits. Oui. 3 hobbits qui se baladent. Et non, c'est très beau aussi. La Nouvelle-Zélande, c'est les décors du Seigneur des Anneaux, mais sur un pays entier. Quoi. D'accord. Bon, ouais, très bon délire. Mais ça se trouve, c'était tourné là-bas, quoi. Je crois qu'il y a un lien. Ça aurait du sens, en tout cas. Bon, écoutez, merci en tout cas d'être venu. Pardon, mais je parlais un peu, voilà, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Tu t'es parti en vacances toi aussi récemment, parce qu'en fait j'ai vu des questions. Alors est-ce que je le fais maintenant? Vas-y, je le fais maintenant. Ouais. Parce que j'ai vu des questions qui me demandaient comment ça s'est passé. Est-ce que toi tu es allé à Salem pour ton anniversaire? Oui, tout à fait. À Salem, donc bah, justement, par exemple, Julien me regarde interloqué. Peux-tu expliquer, Taous, ce que représente Salem dans la culture populaire? C'est un pote de Baffin. Salem. Oh là là, Pascal Salem, très joli. J'ai pas la ref. C'est bien, je me sens vraiment très connecté à vous. Bon, ce soir. C'était un mec qui faisait des caméras cachées. Il faisait cachées, des pranks, hein, des camcaches. Ouais. Taous, tu es parti à Salem. Peux-tu tout raconter ce qu'est Salem et ensuite nous parler un peu de ton trip là-bas? Alors, Salem est une ville qui se situe dans l'état du Massachusetts. Donc, au States, encore une fois, nous voilà, sommes au States. Qui est quand même le nom d'état le plus drôle des États-Unis. Et si on avait Johnny Hallyday autour de la table, peut-être qu'il pourrait nous en dire deux mots. Non, c'est con. Je rigole trop, je sais pas passer. Donc Massachusetts. Ah, et donc c'est une des premières, c'est une des premières colonies américaines, et c'est là qu'ont eu lieu une grande partie des procès de sorcières au XVIe siècle, non XVIIe siècle, bon un peu entre les deux. Oui, non. Au XVIe ils n'y étaient pas encore, je crois. Hmm. Ils sont arrivés fin 1500 et des bananes oh je sais plus, oh je suis nulle en histoire, pardon. Bon, ne t'inquiète bon, pas. Bref, personne je crois que c'est XVIIe siècle et, sauf un gars. Voilà. Mais c'est un con, donc t'embêtes pas. Et donc, dans Salem et sa région, parce qu'aujourd'hui, on dit Salem, la ville, mais en vrai, la colonie, c'était un peu plus autour que ça, donc il y a d'autres... Toute la périphérie, ouais, la voilà. Banlieue. La rocade. Et donc, il y a eu plusieurs exécutions, plusieurs procès d'hommes et de femmes. Contrairement à la croyance populaire, les gens n'étaient pas brûlés pendant les procès, ils étaient plutôt pendus, ou noyés, il y en a un qui a été écrasé par des pierres. Mmh. En fait, c'était une méthode de torture. On te mettait une planche sur le corps, t'étais allongé et on rajoutait des pierres en disant tu vas parler. Et le mec et est tu mort. Tu ne peux pas parce que tu es écrasé par des pierres. Donc, c'est ça qui est très important. Oui, et ce mec est mort avec les meilleurs mots de fin de vie. C'est que. Il a fait mieux que ça, déjà. Exactement. Il était donc recouvert de pierres, prêt à crever. On lui a dit tu vas parler maintenant. Il a juste dit more weight, donc plus de poids. Ah, on lui a rajouté des pierres et il est mort. Genre, bah les c'est pas Mel Gibson dans Braveheart qui a fait un truc non, comme parce ça. Que je crois que juste après il a dit je regrette, mais ils ont gardé Voilà, et donc pour mon anniversaire qui était le 24 août, retenez cette date, c'est important. La wishlist Amazon est sur Twitter, n'hésitez exactement, pas. Exactement, voilà. Non, en plus je l'ai pas mis sur Amazon. J'ose pas parce que je me fais critiquer. Sur Twitter, tu veux dire? Ouais. T'as dit je l'ai pas mis sur Amazon. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit sur Twitter. Non. Johnny Hallyday. Ah, et là-bas sa chaussette à l'envers. Oh merde. C'est oui. Alors, et donc, pardon, j'ai fait une vidéo avec ce jeu de mots de merde pendant que j'étais dans le Massachusetts. Donc, Mais elle est pas en ligne? Ah oui, non. Si, elle est sur Instagram. Ah putain, bah, parce que j'étais donc avec Lucien Maine qui mettait ses chaussettes et je suis rentrée, j'ai dit, hey, il adore les jeux de mots. Entre le Massachusetts et le Maine, et du coup j'ai dit, hey Maine, il met ses chaussettes. Et, ah joli. Bah, très bien. Moi, pardon, c'est un double jeu de mots qu'on peut pas faire souvent. J'en étais extrêmement fière. Voilà. Ah putain, le jingle jeu de mots, c'est la BO d'Anastasia, donc. Ouais, ouais. C'est mortel. Ils ont plagié. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, voilà. Tu es allé à Salem. Et donc, j'ai mes amis qui se sont cotisés pour que je puisse aller à Salem le 31 octobre, donc pour Halloween. Donc, fêter Halloween à Salem, qui était un de mes rêves depuis que je suis gamine. Et c'était absolument vraiment extraordinaire. Ou pas. Ah oui. Vraiment, c'est génial. Non, parce que. Je fais une parenthèse, mais on digresse. Hein, parce qu'il y a une tendance en ce moment où les gens disent rêve de gosse. T'es énervé. C'est faux. Beaucoup de gens. Non, mais là, je te crois. Mais clairement, il y a des. Je sais plus, quelqu'un a dit. Oh, j'ai tourné avec vraiment quelqu'un pas ouf. Il a dit rêve de gosse. J'ai fait. C'est clairement faux. Avec Patrick que... Timsit. Tu parles non, de mais... moi. T'as tourné avec Timsit. Non, c'est faux. Ah. Non, mais il y a. C'est bon. C'est parce que c'est un rêve de gosse. Vous verrez. Voilà. Vous remarquerez. Non, non, vrai, beaucoup de gens disent. Oh là là, rêve de gosse. Mmh. Faux. C'est comme quand on dit. Ah, j'ai fait nanana. Check. Comme si ça faisait partie d'une liste, alors qu'en vrai, non. Mmh. Tu l'as rajouté à ta liste après pour avoir un sentiment d'accomplissement. Déjà, qui a des listes en vrai? Qui a des listes? Voilà, en vrai. C'est ça. Moi, j'ai une liste. Oui, de course, ok. Schindler aussi. On avait une. Waouh! Waouh! Puis elle est plutôt connue. Ouais. Pas beaucoup de gens qui ont des listes qui sont connues pour. Sauver les juifs. Check. C'est bon. Rêve de gosse. Donc, Taous, t'as fêté Halloween là-bas. Et donc, pour les gens. On imagine facilement que ça doit être effectivement un truc de ouf. C'est là-bas. Absolument dingue. C'est... Sachant que. Il y a une petite chouette. Ça marchait très bien. Mais non, mais pour non, mais Salem. C'est vrai. C'est très bizarre parce que quand t'as dit une petite chouette. C'est toi qui as dit une petite j'ai chouette. J'ai dit une petite chouette. J'ai cru entendre ma voix. Waouh. Ok, il se passe un truc. Folle, hein. On est en train de changer de voix. Bonjour, c'est Taous. Bref, oh, vous m'emmerdez. C'est inaudible ce podcast. Il va être. Ça me rappelle. Heureusement qu'il y a un thème. Hein. Criquet. Non, franchement, ça sera sûrement une des pires émissions, mais à enregistrer une des meilleures. Je pense que les. Ah, moi d'ailleurs, j'invite les gens à. Je t'invite à faire un sondage sur Twitter pour savoir si on garde la flûte à coulisses pour les prochains épisodes ou pas. Sinon, je la ferai moi-même sur Instagram. Donc oui, Taos, Halloween là-bas. C'est ma seule joie dans ma vie. Laisse-moi cette flûte à coulisses. C'est un peu comme Noël à Disneyland, on peut dire un truc c'est comme ça. C'est ça, sachant que donc, je suis fascinée par les sorcières depuis toujours, je suis fan de films d'horreur depuis toujours. Halloween pour moi, c'est le nouvel an et Noël et mon anniversaire en une soirée. Donc t'es dégoûté de vivre en France du coup, voilà, parce que vraiment Halloween exactement. C'est pas ouf ici. Ouais. Et en plus, une fois, à Paris, ils ont organisé une grande parade d'Halloween à Nation et j'y suis allée toute seule parce que j'avais pas d'amis. Et avec quel âge? J'avais 13 ans. Oh bah ça va. Et vous étiez 11. Pas plus, non, on était très nombreux. 13, et en fait, 13, je voulais absolument y aller. Et ma mère, elle savait que j'étais méga fan d'Halloween et de trucs d'horreur. Elle m'a dit, mais si tu vas pas, même toute seule, tu vas regretter toute ta vie. C'est vraiment un moment à vivre. Donc du coup, elle m'a acheté un masque. On a fabriqué un déguisement ensemble. Et j'y suis allée. Et il y a des mecs qui sont passés à vélo et qui ont arraché mon masque. Et je suis rentrée en pleurant. Et ma mère, elle m'a dit, non, ça va pas se passer comme ça. Elle m'a fait un maquillage de The Crow. Elle m'a dit, maintenant, t'y retournes. Et j'y suis retournée. Stylé. Et depuis, tu as tué 3 personnes. Exactement. C'était les enfants. Et elle s'est fait arracher son visage. Donc oui, Halloween pour moi c'est une grande histoire d'amour. D'accord. Du coup, Salem, enfin déjà les États-Unis pendant la période d'Halloween, parce qu'on est arrivé quelques jours avant à New York, c'est quand même fou. Toutes les maisons, enfin déjà de l'aéroport entre, parce qu'on a fait une escale à Washington et ensuite on faisait le trajet Washington-New York. Washington DC. Voilà, c'est ça. Non mais de là-bas. Oui, pardon. Moi j'y suis allé à la Saint-Nicolas, moins fun, carrément moins fun. Et en fait, comme c'est des vols domestiques, tu voles très très bas. Et déjà, de l'avion, je voyais les décorations d'Halloween avant même d'arriver. Je croyais que t'allais dire des chauves-souris et tout. Les mecs font vraiment ça bien. J'étais vraiment comme une ouf. Et du coup, le soir d'Halloween, on s'est maquillé un peu à l'arrache. Et je suis allée faire le tour des maisons à Salem pour demander des bonbons. Et à chaque fois, j'expliquais en disant, bah voilà, je suis française, j'ai jamais pu fêter Halloween. Ils étaient trop contents d'une poignée entière de bonbons. Il y a un vieux quartier à Salem, un quartier historique où tu peux revoir justement l'histoire des sorcières. Il y a plein de trucs. Il y a une maison qui est là donc depuis l'époque. C'est la seule baraque qui est encore là de l'époque, qui a été un peu réduite en taille, mais qui s'appelle donc The Witch House, et que tu peux visiter. Et il y a les meubles d'époque, il y a plein d'objets, des poupées, des vêtements, des machins. Ça pue la vieille campagne, et du coup, c'est génial, parce que tu as vraiment l'impression d'être transporté au XVIIe siècle. C'est trop bien. Il y a une statue de Samantha, de ma sorcière bien-aimée aussi, en plein milieu de... J'avais un jeu de mots sur ma sorcière bien-aimée que je gardais, je peux pas le faire. J'ai cru que c'était Samantha Oops, je me disais, mais comment elle a cartonné là-bas. Elle a vraiment cartonné. Il y a une statue de... En plein milieu de la ville, et le logo de la ville, c'est une sorcière à balai, et du coup, les voitures de flics, t'as une sorcière sur son balai. Il y en a partout, il y a plein de boutiques de sorcellerie partout. J'aimerais vraiment que du coup, il y ait vraiment une agression violente, genre, bon, peut-être les flics déguisés avec des peintures, une sorcière sur la bagnole, on va devoir vous arrêter. Désolé. Je suis un vampire, ouais. je suis un vampire. Donc voilà, c'était... complètement fou comme expérience. Et à la suite de ça, on est remonté dans le Maine, qui est un état qui est pas très loin avec de Massachusetts, avec Lucien Maine, donc, bien sûr, qui était très content. Il y a des trucs à faire à Maine. Alors, un jeu de mots avec Lucien, du coup. Alors c'est très joli, c'est de la campagne américaine, mais surtout il y a la ville qui s'appelle Bangor, qui n'est pas en Thaïlande, contrairement à ce qu'on croire. Pour les gens, oui, pour les dyslexiques qui nous écoutent. Voilà. Et qui est la ville dans laquelle vit Stephen King. Oui. D'ailleurs, toutes les nouvelles de Stephen King se passent dans le Maine. Exactement. Donc cette région. Et c'est la ville qui a inspiré beaucoup de ses nouvelles et de ses romans, notamment ça. Voilà. Et donc il y a la bouche d'égout qui l'a inspiré. Il y a le pain pour les oiseaux. Il y a la Water Tower, là, le gros château d'eau. Ils les ont fabriqués après. C'est du fake. Et du coup, t'as un tour et c'est le seul truc touristique de la ville. T'as un tour avec un minivan qui passe et qui te montre. Bonjour l'ambiance. Avec Stephen King en saxo. Venez, je vous montre un petit peu les. Et sauf que du coup, comme j'avais pas envie de lâcher de la thune et de passer mon temps dans un van avec des touristes, j'ai juste regardé les spots qu'ils font et on y allait à pied parce que c'est une petite ville et on a vu la maison de Stephen King qui était chez lui à ce moment-là. Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il était chez lui. Ouais, il chie, je crois. Et en plus, non mais c'est ouvert en plus, tu peux vraiment remonter l'allée et aller sonner à sa porte si tu veux, c'est complètement complètement open. Après, et sa maison est. Tu peux aussi braquer la porte de la rentrée par effraction, tu peux voler son chien. Et lui inspirer une nouvelle du coup. Moi, si je travaillais là-bas, j'aurais vraiment fait un parcours à vélo, ça doit être trop bien. Alors après, non, ça n'existe pas. Bah, en fait, c'est pas ça. C'est parce juste qu'il y a beaucoup de faux plats. C'est extrêmement monté, vraiment à pied, c'est très dur. Donc à vélo jamais. D'accord, parce que ça aurait une bonne idée. En vrai, j'ai plutôt une bonne idée. On est tombé sur un petit chat errant qui était un Maine Coon. Ah, si ça c'est pas un signe, parce que du pour les gens le ouais, savent pas, mais pas. Lucien se fait. Non mais surtout c'est parce que ça se passe dans le Maine, merde. Ah oui, bah on s'en fout de Lucien. Je sais pas, du coup je l'ai pas. Non, j'ai c'est pas quoi le ring Maine. Le l'état du Maine, non, dans le Maine, et le chat s'appelle le Maine Coon. Ah, le Maine Coon, putain, j'étais sur Coon, pardon. C'est quoi, c'est la race du chat? Oui. D'accord. Ah, excuse-moi de pas être calé en chat. Plus de succès que ça. Bah c'était incompréhensible. Tu couperas. Et oui, mais après, vous avez fait New York aussi, je crois. J'ai ouais, vu en fait, on est arrivé à New York, on est parti et on est revenu. On a fini sur New York parce que Lucien adore New York. Bah oui. Et bah oui. J'ai tel pas Jay-Z. Aimé... Jay-Z adore New York. Adore New York. Ouais, il a fait une chanson dessus. Oui, c'est la jungle, York, la jungle de béton. Exactement. York, où New sont York. Fabriqués les rêves. Nougaro aussi. Oui. Non, c'est vrai, on Nougat dit York. Toujours, York. Oui. Non, mais on dit toujours Jay-Z, mais voilà. Il y a aussi Nougaro. Clodo. C'est vrai qu'on dit toujours Jay-Z, et très peu Nougaro. Très peu Nougaro, deux fois de suite. Je pense que si tu le dis trois fois devant un miroir, il apparaît. Il est de l'aérogar. J'ai senti le choc. Moi j'adore, ça me rend heureux. Enfin, heureux quand même pas heureux, mais ça m'apporte un peu de joie, j'avoue. Très bien. Et je pense que ma meuf va être ravie aussi. Que je ramène ça à la maison. Ah, parce que tu l'as eu entre temps ? Je l'ai acheté là tout à l'heure. Ah, d'accord, ta meuf. Je l'ai acheté pour l'émission, pour de vrai. Hein. C'est d'accord, pas de ok. Non, je pensais que tu l'avais chez toi. Bon, t'as toujours des petits ustensiles, des petits trucs. C'est pour ça. Je cherchais des idées de thèmes pour cette deuxième partie d'émission et j'avoue n'avoir absolument rien trouvé. Et en lisant votre Curious Cat, enfin notre Curious Cat et du coup vos propositions et vos questions à vous auditeurs, j'ai trouvé un truc intéressant et je me dis tiens, on a tous un peu des parcours différents sur la question. Peut-être on peut échanger. Donc la question est, je voulais connaître votre avis, ton avis Florent et ceux des invités également, sur la question suivante. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il est plus difficile de tomber amoureux? Du fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de facilité, de choix, les choses peuvent être biaisées, les relations amoureuses peuvent être différentes. C'est un peu flou comme question, aussi ça peut vraiment amener des réflexions intéressantes. Donc déjà tu te la pètes, calme-toi direct sur les réflexions intéressantes. Je trouve ça. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, ça. Mais pourquoi ça serait plus difficile? Oui, je vois pas le rapport. Pareil. Non, plus que plus difficile, c'est genre. C'est la question quand même, non? Hein? C'est la question. Oui, je pense que ce que veut dire l'auditeur ou l'auditrice d'ailleurs, c'est avec l'arrivée par rapport à avant, je pense. On en parlait un petit peu dans l'émission. Bah, avant, t'avais pas le choix de toute façon. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais du coup, est-ce que le fait que t'as le choix maintenant, est-ce que pour vous, invité, c'est plus difficile du coup de tomber amoureux? Bah déjà, tu peux plus dire bonjour à une femme sans que tu sois accusé d'agression, donc voilà, c'est plus difficile. Hein. Et mes parents, ils se sont rencontrés dans la rue, bon, bah, voilà, c'est interdit maintenant. Donc voilà. Mais ça, on est d'accord, aucune. Aucun. Alors, je te donnais un signal pour que tu puisses faire, donc on peut plus rien dire. Ah putain, c'est vrai que c'était le moment. Ah, de... Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Voilà, Didier Bourdon qui est avec nous dans le studio. Attends, il a sorti une chanson? Il y a longtemps, il y a 10 ans. Je voulais en parler dans les découvertes et tout. Mais bon, c'était un peu. Il y a longtemps, il avait fait une chanson qui s'appelait On peut plus rien dire. Ah bah dis voilà, donc. C'est on peut pour plus ça. Rien dire. Non, mais ça vous parle pas, vous, ce truc mais de. Je vois pas. Il y a plein de choses à dire, mais après, c'est que des avis. Puis c'est que des. Non. Oui, avant, c'est... effectivement, quand il fallait conquérir une nana, fallait. Mais je parle vraiment avant, fallait écrire des lettres, etc. Se battre à l'épée. Oui, mais voilà, c'est ça. Alors fallait donner de l'argent mais là, c'est à sa famille. C'est pas plus compliqué, c'est juste qu'aujourd'hui, dans ce qu'il appelle le choix, c'est peut-être à travers toutes les applications ou tous les réseaux sociaux, etc. qu'on mais a aujourd'hui, vrai, mais sortez... qui ne concerne pas l'amour, en fait. C'est juste oui. de la consommation sexuelle, tu vois. Calme-toi, Julien, calme-toi, Julien. Pas forcément, tu te pisses dessus. Tous les réseaux sociaux et tout ça, potentiellement, tu rencontres plus de gens. Oui, mais... Donc forcément, tu rencontres... Quand je dis réseaux sociaux... Statistiquement, tu peux... Enfin, tu vois. Lève un peu ce micro déjà, je t'en supplie, Julien. Non, mais moi, ma copine, je l'ai rencontrée sur internet par exemple. On se serait peut-être jamais. Sur Caramel Mais c'était pas vraiment une appli de rencontre. Non, si pas du je tout, veux non. pas trop. En... Non, enfin, non, tu choisis. Parce que, mais... Oui, non, mais c'est parce que j'avais un blog BD, elle aussi. Ah, et oui, de fil en aiguille, on s'est. Alors qu'on était dans le même lycée en même temps. Non, ouais, ça, c'est ouais. Et on s'était jamais rencontrés à l'époque. Et donc, pourtant, non, mais toi, t'étais pour... à toutes les soirées, toutes les booms. Et puis, je faisais partie des populaires. Je peux te dire que mon nom circulait pas mal. Bah, dans t'étais les... le capitaine de l'équipe de foot, je crois, à l'époque. Le quarterback, ouais. Exactement. Directement quarterback. Oui, quarterback. C'était un des rares quarterbacks de France, d'ailleurs, on peut le dire. Bah, surtout de foot, pas de foot américain, de foot. C'était quarterback de l'équipe de foot. Ah oui, ça, vous êtes quatre. Hein, voilà, et bah, du coup, forcément, mon nom avait pas mal circulé. Et, voilà. Non, non, mais c'est pour dire que tu, oui, tu oui. t'ouvres à plus de gens. Enfin, oui. tu peux. Mais est-ce, après, que, moi... est-ce que même si on est tous, on trouve ou pas, d'ailleurs, mais on mais, peut. On peut... Je vais juste ajouter que, du coup, peut-être c'est. La surabondance de choix j'allais, qui peut c'est ce que j'allais que dire tu te questionnes quoi je pense c'est tu ce que j'allais ah, dire ah oui mais je tombe amoureux mais peut-être oui, mais qu'il y a c'est... quelqu'un d'autre mais est-ce qu'on contrôle est-ce que vraiment ouais, ce c'est ça ce que l'amour. J'allais dire ça tombe dessus comme bah, c'est ça c'est l'amour chier, quoi. C'est attendez on parle pas tous en même temps s'il vous plaît Taous pour moi l'amour c'est enfin que qu'on se pose la question de savoir où rencontrer comment rencontrer que faire combien de temps est-ce que tu restes le lendemain ou pas ça d'accord mais les sentiments viennent ou ne viennent pas et il y a pas de enfin et le principe si même d'en discuter scientifiquement voilà. ici là, c'est, bah, ça si n'a toi, aucun sens en fait. Si toi t'as une fait, difficulté juste... à tomber amoureux, je pense que c'est un truc personnel tout simplement ouais. et juste tu rencontres pas la bonne personne ou ça marche pas ou toi t'as des blocages. Enfin ça peut être des milliards de variantes possibles et que c'est lié à des individus et à des contextes tellement différents que c'est hyper difficile de rationaliser sur un truc qui est dur. Enfin tu vois c'est comme si on disait est-ce que c'est plus facile d'être agoraphobe aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a plus de devenir parce qu'effectivement voilà il y a plus de gens sur la planète donc potentiellement tu peux oui, enfin oui. tu vois c'est hyper non, bizarre je comprends, de... je comprends. Ça tombe dessus exactement ou pas. Non, mais est-ce que c'est l'œuf ou la poule hein. Non mais est-ce que bah, en prenant un peu du recul et en observant un peu cette société un personnage que je bosse on le prend pas changeons de thème. Non mais j'ai l'impression, mais un peu en prenant du recul, qu'il y a quand même une espèce de perte de repère, j'ai l'impression, sur ne serait-ce que plein de termes que moi je connaissais pas avant de d'arriver à Paris et d'avoir plus de 15 ans, sur les relations de couple. Pour moi, par exemple, le couple a toujours été garçon-fille, enfin ou garçon-garçon ou fille-fille, ouais, ou n'importe. Ouais. Quoi ouais, qu'en Bourgogne, c'était quand même surtout garçon-fille, parce que, bon, beaucoup d'homophobie dans ce territoire. Mais oui, pour moi, c'était des trucs comme ça, et c'était genre, on se rencontre, on est amoureux, et ça dure. Alors qu'en vrai, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une évolution à ce niveau-là. Est-ce que ouais, mais ça veut pas dire qu'on. Parce que la question, c'est. Je me fais l'avocat du diable. Oui, oui. Je parle. Non, mais je vois. Mais si tu parles. Je hais cette phrase. Ça veut pas dire. Mais je suis vraiment l'avocat. Enfin, j'ai un diplôme. Je suis vraiment avocat. Et le diable, c'est un mec qui s'appelle Bernard le Diable. Donc rien à voir avec. Voilà. Pardon. T'allais parler. Silence. On coupera. Mais t'allais parler. Non, mais je disais ça. Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Je suis désolé. Oh, génial. Ce thème est top. Non, mais tu parles. En tous les cas, ce genre de réflexion, c'est avec nos mentalités de petits occidentaux bien à l'aise ici, oui. Même enfin en métropole, dans des mégapoles, etc. Bien parce sûr. Que mon petit gars, tu vas au fin fond du Mozambique dans une tribu. Non, mais je sais pas, dans les tribus reculées, tu vas leur parler de ce concept d'amour, etc. Et pour eux, il n'y a aucun problème. Même sans aller dans les tribus reculées, tu vas dans un petit village de France, tu leur parles de polyamour, couple libre et de trans. Oui, mais. Ce que je voulais dire, c'est que. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, ça ne change rien sur le côté que tu peux tomber amoureux ou pas, ça te tombe dessus, que ce soit bah, un couple oui. libre, couple oui, exclusif. Mais... Ou... Après, voilà. C'est à l'intérieur de la c'est relation que là, les alors, choses. C'est ça que j'allais dire. Moi, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon cas à moi, je ne suis pas tout de suite tombé amoureux de la fille avec qui je suis aujourd'hui, avec qui je suis très amoureux. Que tu trompes. Mais qu'il m'arrive de tromper, voilà. Mais voilà, par pure charité chrétienne. Et du coup, j'ai laissé le temps au temps aussi en me disant bah vas-y je vais Félix Gray Didier Barbelivien laisser le temps au temps ouais. Ouais bien sûr et du coup je me dis est-ce que les gens est-ce que vous pensez que ce serait comment dire est-ce qu'il faut s'ouvrir un peu à toutes les possibilités est-ce qu'il y a des gens qui parfois te disent bon bah là tu veux que je te baise quoi non mais il y a des gens qui vont se dire moi là en ce moment je veux pas de couple moi en ce moment je veux pas de trucs comme ça je veux pas de trucs comme ça est-ce qu'il alors, faut là-dessus j'ai une théorie qui est peut-être merdique. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'avant 25 ans, tu es plein de certitudes, et après 25 ans, c'est une fourchette ouais. large. Hein. Ouais, après 25 ouais. ans, tu transformes tes certitudes en convictions. D'accord. Et tu arrêtes de dire plus jamais. Ah, moi, c'était l'inverse. Oui, c'est que ouais. tu es plein de c'est que après, ouais, t'es plein de doutes. Ouais, ouais. Après, ouais. C'est... Non, mais je parle. En fait, les convictions, pour moi, c'est des principes, c'est des valeurs, c'est des trucs qui évoluent sur le long terme. Par exemple, tu estimes que les hommes doivent être égaux, c'est une conviction, et ça risque peu de changer. Les hommes et les femmes, tu veux dire ? Avec un grand H, oui. Ouais. Ouais. Les humains. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là ? Il faut partir maintenant. Hein ? Ah bon ? Mais oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je vais te niquer. Non, mais c'est juste, elle est humaine. Mais ce qui est très marrant, c'est que j'ai eu une conversation avec exactement ce dialogue-là, sauf que c'était moi qui disais ce que tu disais hier. Et là, tu m'insultes. Voilà, et là, je te... Bref, je pense qu'il y a vraiment un truc de... À partir d'un certain âge, on arrête de dire plus jamais, je ne ferai jamais ça, ça, c'est pas mon truc, je suis pas comme ça. Et je pense qu'on devrait s'en débarrasser le plus tôt possible, parce qu'en réalité, on passe beaucoup de temps à dire « Ah, moi, non, c'est sûr !» Je me souviens très bien, pour prendre un exemple concret et très con, que quand j'avais 13 ans, tu me parlais de fellation, je disais « Jamais j'aurai une bite dans ma bouche, c'est dégueulasse. » Aujourd'hui, j'adore ça, j'en fais tous les jours, j'en offre sur les quais du métro. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs, 17 euros, non, on peut le dire, n'hésitez pas, et c'est déductible des impôts. Donc tu peux faire un petit coup de pipeau, là, parce que... Si vous l'annoncez avant, le nom, le titre, le... Et si, la surprise. Oh, il joue avec nos émotions. Non, mais, voilà, c'est un exemple con, mais j'ai, par rapport à ma sexualité, mes pratiques sexuelles, j'ai passé beaucoup de temps à dire ah ça jamais, et après je le fais, en fait si c'est cool. Ouais. Ah ça jamais, oh si en fait peut-être que si. Et là par exemple, je suis dans un modèle de couple que dans lequel j'aurais jamais imaginé être elle mange de ma du vie. Caca, enfin, très très libre. Ça, je pense que c'est un des rares trucs où je peux dire jamais, mais va savoir. Attention les certitudes. Ah quand c'est bien tu fait. Dans le podcast dans deux ans, tu diras je bouffe de la merde tous les jours. Non, puis il faut aller voir sur Marmiton, t'as quand même 2-3. Ouais. Tu peux le mettre en sauce, tu peux trouver des trucs cool. Non, ça, moi, ça, j'ai vu une recette une fois. C'est très sympa. Donc, oui, je suis dans un modèle de couple que j'aurais jamais imaginé et où dans lequel j'avais dit, moi, jamais je pourrais faire ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, bah, ça fonctionne. Et est-ce que ça fonctionne parce que c'est la bonne période, parce que c'est la bonne personne ? J'en sais rien. Est-ce que si demain je quitte cette personne ou l'inverse et je me retrouve avec une autre, j'aurai exactement le même modèle ? J'en sais rien du tout et je m'en fous. Pour l'instant, c'est ça marche entre nous. Quand il y a un truc qui bloque, on en parle, on recalibre, on change les règles, on essaie de voir si ça, si on peut continuer ensemble malgré tout. Jusque là, ça marche, donc c'est cool. Toujours du bois. Mais c'est du boulot un couple, ça se fait pas tout seul, non. Oui. C'est du travail. C'est énormément de boulot, mais en même temps. Il faut que j'y aille moi. C'est la merde là, et faut que j'y retourne. Moi je suis en vacances là, 3 jours, et après je vais m'y remettre. Mais c'est vrai que c'est un des plus gros clichés du monde de l'importance de la communication dans le couple, et en fait c'est putain d'important, c'est vraiment le truc que je répète tout le temps, la communication c'est tellement majeur. Ouais. Oui, ou alors mentir énormément. Pour moi c'est les deux piliers du couple. Mais en alternance, voilà, alternes au maximum. Non mais parce que vous savez, voilà, nos auditeurs, nous, sont assez jeunes souvent, enfin c'est des ados, grands ados, jeunes adultes, pardon. Ils avaient quand même la référence de Nougaro. pas sûr. Tu commences à me faire flipper sur mes, sur mes punchlines. T'as cru que t'étais sur RMC, en fait, non, très peu. Non mais effectivement, moi je trouve ça bien de... C'est évidemment normal de se poser un milliard de questions, mais c'est vrai que s'ouvrir complètement... Et juste se dire voyons ce qui se passe, c'est assez cool aussi quoi. Ouais. C'est vrai que moi je me suis vraiment mis dans un couple tout ce qu'il y a de plus basique, simple. Vous n'avez pas les bases. En bas j'étais vraiment voilà quoi, on est en couple et on n'a pas de relation libre, on a un couple quoi, comme mes parents étaient en couple par exemple, sans l'accident qui mène à ma naissance, mais sinon c'est voilà le même type de couple. Et tu m'aurais dit ça juste avant que je me mette avec elle, j'étais pas du tout dans ce délire là justement, j'étais plus dans un truc de ah c'est cool, on va voir ailleurs, ah oh, c'est super, oui voilà. Un bon baiser. Pas un bon baiser, mais un beau baiser. Un beau baiser. Un baiser sympa. Un baiser prêt à rendre service. Voilà c'est ça. Toujours sur le qui-vive. Un baiser qui est là. Un baiser qui est présent. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez eu des phases, vous, un peu, ou peut-être même toujours d'ailleurs, mais je veux pas être indiscret. Vous arriviez à gérer, vous, Tinder ou des trucs comme ça, ou pas du tout ? Moi, j'ai jamais pu. Jamais pu ? J'ai jamais réussi. Pourquoi tu rigoles ? Mais je suis le pire invité pour cette année. Bah, moi aussi, cela dit, parce que moi, enfin, pour ça, moi, j'ai, quand Tinder a été créé, j'étais en couple déjà. D'accord. Donc, j'ai même pas eu l'occasion d'être dans le game. Dans le Tinder game ? Le Tinder game. Pestel. Voilà. Quoi ? Excellent, t'es bon, j'ai marqué. J'avais remis Appen, enfin genre j'avais testé Appen et j'avais enlevé et j'avais retesté genre un an après, genre un truc comme ça. Et en fait, j'avais pas supprimé mon compte. Et en fait, ça c'est assez ouf. Faut penser, faut pas juste supprimer l'appli. Ça hein. crée faut... des embrouilles dans les couples. Hein. Ah ouais, ah ouais. Enfin, parce que moi, j'avais remis à peine. Et du coup, j'avais des messages et des trucs. Et, ah ouais. Et c'était. Ouais. Ton compte reste actif. Ton compte ouais. reste actif. C'est très bizarre. Pas le fait du coup de croiser. Vu oui, qu'il y a plus pas la géolocalisation. Ça c'est fini. Mais et... imagine, j'ai parlé à une meuf il y a. Bon, imaginons maintenant, j'ai parlé à une meuf il y a 6 mois. Et là, je réinstalle Appen. Si elle m'a parlé 3 mois après, parce qu'elle l'a redésinstallé, elle l'a réinstallé, trucs comme ça, ouais. bah elle peut me parler et je me rends compte que. Ouais. Voilà. Mais on est d'accord, si t'as installé depuis un an et demi et que t'as pas matché, c'est un bug. C'est un bug de l'application. C'est un bug. De ok, ouais, non, d'accord. Ouais, c'est vrai que moi j'en ai essayé plusieurs et rien qui marche. J'arrive pas. C'est forcément un bug ça. Non, non, mais j'y arrive pas. Déjà, t'arrives pas le côté social de discussion ou non, liker c'est juste des mecs, rien ou... que les gueules de mecs. Ouais, après, je suis extrêmement difficile. Il y a un mec que j'ai envie de baiser par an environ que je croise dans ma vie et du coup les photos des mecs qui font je suis allée en Afrique et je pose avec des petits Africains forcément. J'ai envie de les gifler déjà je peux pas ça se trouve c'est des gens la photo mais... en noir et blanc sur le miroir voilà donc voilà. Avec une bonne tub ouais pas sur Tinder il y a pas la tub sur Tinder et Tinder ouais. J'ai essayé un quart d'heure. J'ai créé un compte et j'ai reçu dans les 5 minutes un message sur ma page Facebook qui disait « Oh, il y a Jack Parker sur Tinder !» J'ai désinstallé l'application. Non, mais pour de vrai, j'ai essayé Tinder il y a quelques années. Ouais. Et pareil, moi, même réaction, c'est-à-dire que j'ai engagé la conversation, j'ai fait des rancards avec des nanas, ouais. 2-3, mais juste boire un verre. Bon, déjà, j'arrivais et... clairement bon bah, c'était pas les bonnes photos ou alors la personne ouais. était très enfin pas du tout intéressante genre ouais moi ouais. j'adore l'humour c'est bien c'est cool ouais. que tu fasses des sketchs moi par exemple je vais aller voir le spectacle de Kev Adams c'était génial je fais ok ouais. donc on n'est pas sur les mêmes références oui ou des gens qui pourraient dire et... que par exemple aujourd'hui on peut plus rien dire pardon mais en tous les cas ça n'est jamais allé plus loin que juste le verre d'accord. ouais bon ok t'es sympa mais merci au revoir et puis parce que j'ai des potes qui savent très bien le faire qui à première vue nique ils sont très fiers mais tant mieux pour eux s'ils adorent ça la bonne nique la bonne enculade mais Ah, ça me fait plaisir, j'attendais le moment voilà. enculade. Évidemment, c'est vrai qu'on mais, pas, mais bon, pas ouais, présenté voilà. comme l'enculeur. Alors moi, je suis pas un consommateur compulsif de ça. Donc, de baise. Donc voilà, mais ça m'est arrivé, comme tu disais aussi, d'avoir des gens qui m'écrivaient parce que moi j'avais créé un compte Tinder où je mettais des photos, mais limite de book, comédien. Bah oui, parce que sont belles, jolies. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et j'en avais qui m'écrivaient ah, ça va toi ? Je fais ouais, t'as pas l'impression que t'es un fake ? Je vais te dire, bah ouais, le mec sur les photos il est connu. Je vais, bah oui, mais enfin, c'est peut-être moi, peut-être que j'ai envie de niquer aussi. Moi maintenant je fais plus simple, sur mon Facebook je marque qui veut baiser. Et j'attends, et j'ai 2 likes. Là où bah, moi, c'est, là, bien, là, déjà. C'est vous déjà. Là où moi je mettais des photos de Brad Pitt. Et pareil, elle me disait, mais t'es un fake ou quoi ? Et je disais oui. peu de succès. L'honnêteté pourtant, et très peu de succès. Mais de toute façon, moi je trouve qu'il y a. Enfin, c'est pas fait pour moi le côté mécanique de bah salut, Flo. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc vraiment où... Tu veux un truc organique, tu veux que ça se passe comme mais ça. Non, mais non, mais surtout une rencontre bah, qui ne sort de nulle part comme ça. Ouais. Il n'y a aucun intérêt commun, ouais, à ça. Part les pages que tu as likées sur les réseaux sociaux, des trucs oui, comme ça. Oui, en plus, enfin... sur Tinder, tu vois les potes que tu as en commun et tout, ouais, c'est hyper chelou. Tu dis, ah ouais, c'est d'accord. une personne que moi... tu n'étais jamais censé rencontrer. Bah, le ouais. destin ne l'a pas mis sur ta route. Bah, ouais, enfin, moi, j'aime bien le destin et on te dit, tiens, regarde. Ouais. Et moi à l'époque, longtemps, j'ai cru ah trop bien, on a des amis en commun et ça va nous faire un sujet de conversation. Alors que souvent, c'était des potes qui avaient essayé bah, oui. aussi. Oui, ah, genre dont tu fais. Okay. Il y a une personne dans mes contacts Facebook à l'époque où j'ai essayé Tinder qui était ami commun avec toutes les nanas. C'est. Je suis extrêmement surprise. Mais d'autant qu'en plus, la personne que tu cites, moi je chattais avec une meuf. Qu'il avait daté. Oui, non, mais je bip des trucs. Il y a aussi des fois je coupe et des fois je bip. Ah. Donc tout ah. va bien. Ah. Je coupe et je bip Passy. Passy, le rappeur. Il a fait je zappe et bon, je t'as mate. T'as okay, aucune ref. J'ai grandi dans une grotte. Une sorcière. C'est bon, tu l'as là ? Ouais, ouais. Là, ça me parle. Abracadabra. Ouais. Bon. Et surtout, moi, en plus, je crois que je plais à l'usure en fait. Donc du coup, le côté rencontre. Usul. Usul. J'allais dire 36-15 l'usure. Bah je plais à Usul hein, en l'occurrence. J'ai des belles idées de gauche, Valentin. Il adore. Et donc du coup le côté rencontre, c'est pas du tout possible pour moi ce genre de truc quoi. Mais oui, mais bah, quand on va comment t'es fringué, oui, ça ne m'étonne pas. Bon, Non, mais après, moi, je pense que le fait d'être une meuf, ça joue aussi beaucoup. C'est-à-dire que je suis déjà, alors, je déteste parce que ça fait prétentieux, alors qu'en vrai, c'est pas marrant. Mais je suis sollicitée au quotidien déjà, que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, dans les bars, etc. Du coup, si je veux rencontrer des gens, je peux. Mais fais comme moi, sors pas. Et je plais. parce que je suis super bonne. Mmh. Et du coup, je vois très bien dans les yeux d'un mec dans un bar s'il a envie de me pécho, donc j'y vais. Je vais pas en plus me rajouter des mecs qui essayent de me pécho sur. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, moi c'est pareil. Mais c'est parce que. C'est pour ça que je suis pas sur. Ouais. Mais non, mais c'est clairement. Je pense que c'est clairement un parce que je suis meuf et deux parce que. Main, je... ouais. Bah ouais, j'ai pas de difficulté à trouver des mecs avec t'as qui. T'as qu'à te baisser faire ton marché, quoi. Franchement, limite. Tu veux dire que par exemple, bon. T'as une supérette en bas de chez toi, tu vas pas commander ton jus d'orange sur Amazon. Exactement. C'est ça que t'es en train de dire. Elle était pas si mal, vous auriez bien aimé. Elle était pas si mal. Bon, j'ai des questions sur le Curious Cat. J'ai dit à nos auditeurs du coup que vous étiez là, ils ont plein de questions. J'ai une question pour Adrien et Valentin. Oh. Mais alors pas. Est-ce que vous niquez? Est-ce que vous kennez? Vous kennez? Non. Non. La question étant. À la manière de Julien Pestel, la question est bien formulée. Elle joue un petit peu avec voilà. Vous êtes-vous dit à un moment que vous souhaiteriez lancer votre chaîne YouTube à vous? Ah oui. Alors, et pourquoi ça ne s'est pas fait? Non, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. En fait, c'est surtout à force d'écrire des sketchs qui soit sont pour des émissions qui sont annulées. Et du coup, on a des sketchs qu'on aime bien et qui ne se feront sans doute jamais. Bien sûr. Ou alors. Être un peu ou alors lu dans un podcast oui voilà, voilà. Ce sont les mêmes ouais. Non ou voilà il y a aussi le côté à force de faire des projets où je suis pas vraiment maître à bord et il y a une frustration qui se crée, je me suis dit ah ce serait quand même cool de faire ma chaîne où je pourrais vraiment créer un petit truc comme je l'entends, faire les choses, même si c'est un truc peut-être plus comment dire, humble en termes de moyens, minimaliste, mais au moins un truc que je contrôlerais déjà plus. On m'avait proposé de faire ma chaîne et tout, et j'avais dit ouais, pourquoi pas, je vais voir. Et puis après, je bossais sur un autre truc, donc j'avais pas le temps. Et puis là, je pense que du coup, c'est mort. Ouais. Donc oui, j'y ai pensé peut-être un jour, mais j'aimerais bien essayer de trouver. Enfin, ne pas me foutre dans la merde, c'est-à-dire de dire oui, puis après de me dire oh putain, il faut que j'écrive 50 sketchs pour dans 3 mois et de voilà. Donc j'ai pas mal de sketchs en réserve et tout, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de ça. Peut-être une idée un peu de liant, de fil conducteur, machin, etc. J'aimerais bien. Le mec qui a deux doigts d'inventer la série en fait là. Ah ouais, bah ta gueule. Wow. Sers-moi du coca, s'il te plaît. Okay. Valentin, du coup, j'ai pas de chaîne YouTube. Enfin, j'en ai. Si, j'ai un compte YouTube, voilà, mais pas de vidéos postées dessus. Tu commentes mais, un peu. Non, je pense. Alors, moi, je profite des abonnés des autres, c'est plus simple. Donc, j'écris pour des chaînes YouTube qui ont des abonnés. C'est, oui, parce que tu écris pour Jules Fou beaucoup. J'ai écrit pour Jules Fou, bah, pour Golden. Et non, j'ai pas prévu, moi, de faire une chaîne avec des vidéos perso, en tout cas, format sketch ou fiction, sauf si, voilà, un jour, je me lève avec un super concept. Parce que voilà, je me dirige plus vers de la fiction, vers des trucs plus longs, et je pense que ça n'a pas de place sur une chaîne perso. Je préfère le faire ailleurs. Après, voilà, si peut-être que je posterai des vidéos, mais qui seront plus dans le style making of de choses dont j'aimerais parler et j'ai pas pu forcément. Et je pense, voilà, j'ai travaillé sur une série, j'aimerais bien aborder des sujets. De comment ça s'est passé, etc. On va faire un podcast, voilà. Non, mais sinon, mais. De toute façon, on fera des podcasts. Sans doute, si je le fais, ça, c'est l'endroit où je pourrais le poster, mais voilà, j'ai pas de projet de chaîne YouTube. D'accord. Des vlogs, en fait. Non, mais pour. Prank. On sait qu'Adrien représente le vrai hip-hop. C'est vrai. Mais j'ai lu que Valentin avait écrit le rap de Overwatch. C'est vrai. Peux-tu nous faire une petite impro rap? Ah non. 1 Valentin 1 voilà. Mais c'est vrai, merci, tu as fait la musique. Tu es cramoisi. J'ai failli faire. Oui, mais en vrai, j'ai. Bah, attends, passer de rappeur oblige. Bah, deux des vidéos les plus vues de YouTube, tu as écrit des paroles de hip-hop. J'ai écrit l'Assassin des Templiers avec Norman et. Excellent. Et donc le rap Overwatch, dont je suis déjà beaucoup plus fier, avec Julien et PV Nova. Et on s'est vraiment beaucoup amusé. Alors oui, on n'est pas des rappeurs, mais on a essayé de faire quand même attention à ce qu'on écrivait. Et on s'est vraiment beaucoup amusé à l'écrire. PV Nova a fait attention à ce que les influenceurs chantent ce qu'on avait écrit correctement. Et non, je vous invite à aller l'écouter. Moi, j'en suis assez fier. Je trouve qu'on a... Enfin, bah voilà, oui, bah, écoute, et c'est la vidéo la plus vue de l'année. Qu'est-ce que tu veux dire ? Très très beau. Et non, voilà. Je me suis beaucoup amusé. Julien Pestel, on t'a vu récemment au Téléthon du cinéma. Peux-tu nous raconter un petit peu cette expérience ? Non, tu peux pas. Non, parce qu'apparemment c'est une association. Je sais pas, je lis le truc. L'expérience de quoi ? Le Téléthon du cinéma. Parce qu'il me semble que c'était pas une association. T'as pas été jury dans un truc ? Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines, bah, début décembre, au moment du Téléthon, j'étais président du jury du Téléthon du cinéma, qui est une manifestation qui se déroule en marge du Téléthon, mais qui est quand même raccordée à l'AFM Téléthon. Voilà, où le principe, c'était de proposer à des gens, des équipes de tournage amateurs ou pas, au moins amateurs, de faire un film de moins de 3 minutes en l'espace de 3 jours sur le thème du Téléthon, de la maladie, de la recherche, du don, etc. Et puis ensuite, derrière, voilà, on a regardé tous les films, on a décerné le meilleur prix, du meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, etc. D'accord, et c'était cool ? C'était cool. Wow. J'étais déçu de ne pas revoir Nagui et Sophie d'avant, évidemment. On peut dire que c'était pour ça que tu l'avais fait. J'ai la rêve. C'était pour Nagui. J'adore Nagui. Je suis fou de Nagui. Il est fou de Nagui. Mais c'était une expérience très chouette. Très bien. Jack Parker. Mm-hmm. Ou Taous, du coup. Les deux. Peux-tu nous dire si tu as d'autres projets de littérature dans tes fagots ? Alors, derrière, littérature. Pas dedans, mais derrière tes fagots, en tout cas. Littérature, bah là, c'est ils un bien grand dedans, mot. Là, parce que ils sont directement dans les fagots, là ? Non, mais là, comme c'est un truc qui. Voilà, ouais. ça sort bientôt. C'est carrément dans les fagots. C'est même plus derrière, là. Il y en a, ouais, il y a les deux. Ah, okay. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ou peut-être pas. Du coup, il y en a deux autour de cette table qui savent très bien quel est le premier projet, n'est-ce pas ? Bien sûr. Il y en a deux qui ignorent parfaitement. Qui êtes-vous ? Qui est volontaire d'ailleurs. Donc avec Flammarion, j'ai monté un projet collaboratif sur le thème de l'adolescence avec plusieurs personnalités et auteurs où on s'est tous écrit une lettre à l'ado qu'on a été. Et tous les dons, enfin tous les bénéfices de la vente de ce bouquin seront reversés à l'association Marion la main tendue qui lutte contre le harcèlement scolaire. Putain, trop bien, je ne savais même pas. Bah, pas c'est bien, plus, t'as regardé ton contrat. Vous avez regardé mon contrat ? Je l'ai lu en diagonale. Vous avez juste regardé combien ? Non, je savais que c'était zéro. C'est pas zéro. Non, mais trop bien, je suis d'autant plus fier. C'est voilà. Cool, trop bien. Moi, j'écrirais « Cher Valentin, Johnny est mort. » Tu peux arrêter tout. Arrête tout de suite. Tu restes génial. PS, PS, ah. Baise. Pardon, Taous. Du coup, ouais, donc c'est trop voilà, bien, génial. Donc ça s'intitule « Lettre à l'ado que j'ai été » et ça sortira en théorie le 14 mars. Oh, donc putain, très bientôt. Voilà, ça va très vite. Ah, c'est fou. Bah, c'est internet là. Sur internet, tout va plus vite. Voilà, et donc on y a, il y a 28 lettres, donc 28 personnalités différentes, dont ça fait Flaubert, courtes, ça. Adrien et moi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres noms, d'autres alors il y a Lucien Mène justement, il y a Nadia Dam, il y a Ovidie, il y a Dedo, il y a Marine Baousson, Océane Rosemary, Rocaille Diallo, Lauren Bastide. Voilà. Mon frère. Julien c'est Mignolet. Vrai, putain, il y a ton frère, Sophie Riche. Marion Séclin. Difool. Voilà. Trop bien. Donc un casting qui a juste écrit cool. Tu fais encore de la radio. la même émission. Ouais. Et Alain Soral. Bon, trop bien. Voilà. Ouais, Alain Soral qui clôture ce livre. Ouais. Et qui n'était pas chaud sur l'association. Mais voilà. Bon, trop bien. Et voilà. Un autre livre, peut-être. T'es ouais, dans alors plus ça longtemps, c'est pour, donc tu peux voilà. Moins en parler. Celui-là qui est derrière les fagots. Voilà, celui-là, il est complètement dedans. Derrière les fagots. Il a quelques que... mètres des fagots. Ouais. Ouais. Ouais. Parce que ça, j'ai écrit 15 pages. Donc, ah oui, ça dépend si c'est un livre de 40. Moi, je suis optimiste. Ça fait plus d'un quart, du coup. C'est vachement bien. Un bon album d'Astérix, on est déjà loin. Hein. Non, mais je suis censé rendre mon manuscrit fin mars, on est bien là, vraiment, je suis à l'aise. Ouais, t'inquiète. Et est-ce que, sans trop en dire, est-ce que c'est un peu de la recherche comme pouvait l'être le grand livre des règles ou est-ce qu'on est sur un peu autre chose ? Non, on est sur autre chose qui est, pour le coup, je pense que ça touchera encore moins de monde, mais moi ça me fait plaisir de le faire. C'est tout simplement un grimoire pour sorcières modernes. Ah, d'accord, super. Voilà, aux éditions Pygmalion. Parfait. Cool, qui sortira à la fin de l'année si j'arrive à l'écrire. Mais évidemment. Bien sûr que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Voilà. Envoyez toutes vos bonnes ondes. De ouais. Sorcière. De, ouais, exact. Oh, joli, putain. Jeter des bons sorts. Bah, tu sais que tu réponds. En plus. C'est là, pour le coup, tu vois. C'est Taous qui m'a demandé. Non, mais t'es bien. C'est vrai. T'es autant bien. Au début, tu vois, elle me l'enlevait des mains et tout. Elle y a pris goût. Elle commence à kiffer. J'avoue. Julien Pestel, je t'ai beaucoup trop aimé dans The Cell. Putain, j'ai pas vu encore. Combien de temps de tournage pour une série d'1h40 comme ceci ? Comment tu as été casté ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était cool ? La moustache était-elle réelle ou effets spéciaux ? Thomas. Oui, The Cell, une série comique fantastique de Guillaume Lubrano. Juste, pardon, je voulais juste une expertise de Valentin sur le titre, The Cell. Alors, The, C'est de l'anglais apparemment. Ouais, ouais. Par contre, sel, on peut le trouver en français comme une selle de vélo. Oui, exact. Du sel de table. Ou des selles un peu noires. Des selles un peu noires. Donc ouais. Voilà, après, vous réfléchissez. Également un personnage de Dragon Ball. C'est vrai. Wow, mais t'es geek. Ah, bah, pop culture ou quoi? Je suis geek et puis. Bienvenue sur Pop Podcast. Oui, The Cell, donc une série comique fantastique de Guillaume Lubrano. Je jouais avec notamment Constance Labbé et Nicolas Mérieux. Le tournage, ça nous a pris un mois et demi. Il y a déjà un moment, c'était il y a un an. C'était de janvier à février 2017. C'était des épisodes de 10 minutes. Il y avait 10 épisodes de 10 minutes à peu près. D'accord. Ce qui ne fait pas 140 minutes, plus clairement 100. Tu sais, les auditeurs sont plutôt des L. Plus que des, Et non, c'était très chouette à tourner. On a tourné en Belgique. Il faisait un petit peu froid, mais on était dans un hangar, un studio, quoi, où ils avaient vraiment recréé la cellule en réel. Le dernier jour de tournage, la cellule a été complètement démontée, mise à la verticale. Et on était accrochés à des grappins, etc. Parce qu'il y a un épisode dans la série où la cellule se retourne. Bien sûr. Donc c'était des vrais effets spéciaux physiques aussi, en plus de tous les effets spéciaux en 3D. Numérique. Et pour parler des effets spéciaux, ma moustache était réelle. Ouais. Et mon énorme bide également. Par contre, il avait à peu près 15 kilos de plus dans cette série. Il avait des. Moustache qu'on pourra retrouver dans une autre série d'ailleurs. Moustache qu'on pourra retrouver dans plusieurs autres choses qui vont sortir. En 2021. Par contre, est-ce que tu peux t'excuser parce qu'il a dit 1h40, ce qui correspond à 100 minutes. Toi, t'as dit 100, ce qui ne fait pas 140 minutes. Parce qu'il n'y a pas 100 minutes. J'avais dans entendu une heure. 140 minutes, moi. Je crois que c'est 1h40. Ah, c'est 1h40. Oui, voilà. Eh bien, écoute, Thomas, toutes mes excuses. Je vais te faire une fellation dès que bon. Enfin, quand tu veux. Attention, vous faites de la concurrence. Normalement, c'est le truc de Taos. Il y en aura pour tous les goûts. Hein. Ouais, on peut choisir. Il y en a une avec une très petite bouche et une autre. Une autre à moustache. pardon. Qu'avez-vous eu comme cadeau le jour de vos 18 ans? Est-ce que pour vous, cet âge a été un cap ou pas du tout? Alors, sur Terre se rappelle Des fois, il y a des parents qui veulent marquer le coup pour les 18 ans. Moi, je me rappelle parce que. Je rappelle que je punk mon tube un petit peu. Ouais, bah, exact. J'avais eu une nouvelle guitare à 18 ans et c'était un très beau cadeau de mes parents. Et voilà, et je l'ai encore et c'est un objet auquel je tiens beaucoup. Je comprends. Je retire ce que j'ai dit. Voilà. Des gens, c'est juste que moi, non, je ne me rappelle pas. Moi, je me souviens juste que j'avais principalement envie de mourir à 18 ans. Eh ben, nickel. Très belle période de ma vie. Ne spoil pas la lettre à l'ado que tu étais, s'il te plaît. Non, je parle d'une période d'avant, mais ça a duré 10 ans cette envie de mourir. Donc, voilà. Forcément. Moi, c'est maintenant. Heureusement, il y a un pipeau. Pipeau suicide. Attendez, j'ouvre la fenêtre. Oh non. Aïe. On était au rez-de-chaussée. Bon, on est sur une bonne ambiance. Alors, là, il y a un fan très fan de Julien Pestel, parce qu'il sort des trucs très profonds que j'avais moi-même oublié. Ah bah ouais. Oh merde. Ah ouais, il doit être fan alors. Oh, les dossiers. De l'enculeur, s'il sort des trucs profonds. Putain. Qu'est-ce que c'est que cet épisode? Moi, je pense que c'est un des pires et du coup peut-être mon préféré. Ah, j'ai une question à Julien. Est-ce que Arthur Pestel est de ta famille? Non. Le doubleur Arthur Pestel. Non. Voilà. Ils sont trois de leur côté. Arthur, Charles et Charline. Qui Pestel, qui font tous les trois du doublage. Je les ai rencontrés déjà. Ah d'accord, mais c'est mais pas. Mais on n'a aucun lien de parenté. Est-ce que le feutre Pestel, c'est de ta famille? Je vais, ou pas je vais te détruire en fait. Est-ce que le pesto, la sauce pesto? Ça c'est de moi, oui. C'est de toi. Et les couleurs Pestel. Et la peste noire, enfin la maladie qu'il y avait au Moyen-Âge. Va te faire foutre! Juste dernier truc, le pistil des fleurs, peut-être. Je suis dès que j'en ai pas, je me sens exclu. Toutes les vannes que vous faites là, des gens me les ont fait vraiment au premier degré. Alors j'ai une meilleure vanne. Je t'ai découvert dans la vidéo de téléchargement illégal de Photoshop. Tu étais parfait. Voilà. What? Pardon, de quoi? Bah voilà, c'est un compliment. Non, j'ai pas entendu. C'est quoi? La vidéo de téléchargement. Dans une vidéo pour le téléchargement illégal de Photoshop. C'était une publicité que j'ai tournée il y a 5 ans. Ouais. Pour la série Adobe Photoshop, où la marque avait volontairement décidé d'expliquer comment craquer leur logiciel. Donc, ce qui était relativement audacieux. En ce moment, on peut me retrouver sur Caprice des Dieux. Ça passe absolument à la téloche. Et je pensais vraiment. Il y a Lucien aussi. Non, et je pensais vraiment avoir signé 20 jours. Et j'étais persuadé que c'était. On m'avait dit, c'est la Saint-Valentin, c'est juste pendant la période. Et là, on n'arrête pas de me dire, Caprice des Dieux. Et bon, c'est pas le meilleur truc. Tu vois, quand je croise quelqu'un dans la rue, j'ai pas forcément envie qu'il me fasse Caprice des Dieux. Ouais, et en fait, je suis en homepage de capricedesdieux.com. Ce que j'ai découvert aussi. j'y vais de ce pas. Et le jury qui a pris cette mec. Et donc j'ai demandé mon contrat et oui, j'ai signé pour 3 ans donc voilà, Caprice des Dieux, ce sera mon. Bah, allez-y, je non, c'est le moment d'aller sur Tinder là. Là hey, je serais pas le mec. De... Hey, t'es un fake. Oh, t'es le mec de. Pendant 3 ans, mec. La dernière fois que j'ai vu une enculade comme ça, c'était dans mon pieu. Oh la vache. Mais il y a Eleonore aussi. Mais oui, ouais, mais on est plusieurs. On est plusieurs. Se sourire, il y a Eleonore. Mais non, mais il y a celle avec Lucien photo, qui passe aussi. Tinder. J'ai reçu un message, un texto de ma mère à 23h30. De, oui, il y a Lucien qui est passé. Je crois qu'il y a McFly aussi, à qui ça doit faire vraiment plaisir. McFly, il doit être ravi. Ouais. Valentin. Oui. En vrai, sans aucune blague et sans aucune ironie, qu'est-ce que ça t'a fait la mort de Johnny Hallyday? Ah, alors en vrai, au début. Alors, je raconte ce qui s'est passé parce que. On devait jouer. Parce que je punk pas mal. Bah, tu fais quoi? Mon tube essentiellement. Ah, d'accord. Et le vôtre, hein. Et ah, le nôtre aussi. Ouais, je peux pas. Laisse mon tube tranquille. En fait, on dirait une métaphore pour se branler, quoi. Bah, oui. Tu veux dire que des j'ai fois. J'ai ouvert la porte, il est en train de punker son tube devant l'ordi. Tu veux dire que si je rentre chez moi, je peux te trouver en train de punker mon tube. C'est ça que. Ouais. Mais plutôt. Non, mais. Et du coup. Non, mais j'étais donc avec les Kawaii Bukake, qui est notre groupe de punk, avec Julien, Stéphane et. Et Jérémy. Bien sûr. Et on était à Montpellier, et là, dans le train, on reçoit une news de apparemment, Johnny est mort. Et c'était pas le cas, c'était une semaine. Ouais, il y avait eu un truc, ouais. Et vraiment, on se dit merde et tout, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, tout est filmé en GoPro, j'espère qu'on pourra en faire un petit vlog un jour, pourquoi pas. Voilà. Et en fait, vraiment, au début, on se marre et tout, et on se dit non, merde, c'est chaud. Et on s'est tous les quatre dit merde, s'il est mort, faut faire un truc. Et donc, sérieusement, on a fait allumer le feu qu'on a improvisé le soir au concert. C'est exactement ce que s'est dit Claude Lelouch au moment de l'enterrement, oui, quand il est sorti son téléphone. Ça. Faut que je fasse un truc. C'est ce qu'il dit. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on en blaguait tous beaucoup. Et moi, le premier, évidemment. Et que. Pourquoi Non, mais qu'en fait, on s'est dit, ah merde. Ça fait un truc. Voilà, bon, après, une fois qu'il est mort, on a continué à faire encore plus de blagues parce qu'il y avait, du coup, c'était sujet à blagues. Bah, évidemment. C'était avec, un peu nerveux, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. A besoin d'enlever avec le truc. Bonjour, c'était joli. Ah bah hommage. Mais non, mais en vrai voilà. Donc sincèrement, j'en ai toujours beaucoup rigolé. Et c'est au moment où il est mort, je fais. En fait, mine de rien, ça veut dire que pendant 10 ans, j'ai quand même parlé de lui. Donc ouais. C'est pas voilà. Il a fait partie de ta vie. Exactement. Non mais je me suis rendu compte parce que je l'ai même posté. C'est que je me suis rendu compte que j'avais joué à une fête de la musique il y a genre 10 ans et donc à Montpellier cette année. Et donc oui, ça fait 10 ans que en marrant, je dis ah non, je suis pas fan de Johnny, mais bon, on va jouer Allumer le feu. Et ouais. Donc voilà. Bon voilà. Bah c'est assez cool. Et moi c'était le ça m'a fait ça avec enfin ça m'a pas fait exactement ça mais moi c'est quand France Gall est morte. France Gall, ouais. Ouais, oh bah, là, j'en ouais. Ai qu'on joue aussi le mec. On peut le retrouver. Parce que je l'imite aussi ouais, elle. Ouais. Non, mais moi je connaissais pas trop à part les plus connus avec Gainsbourg et compagnie et j'ai réécouté ouais. Un peu le best of de 80 chansons sur Deezer. Bah il y a des trucs vraiment chambés quoi. Vous allez vous foutre de même ouais. Mais moi j'ai découvert Michael Jackson quand il est mort. Ah non mais c'est wow. Et en fait regardez le gros con. Ouais, putain, t'avais raison. J'étais dans un magasin de jeans avec mon cousin pour vous placer l'anecdote. Génial le contexte. Et on s'est dit non, il passe beaucoup de clips de Michael Jackson. Et parce que je savais quand même qui c'était et je connaissais les plus connus évidemment. D'accord. Ah oui. Et enfin en gros pas je connaissais Thriller quoi. Oui. Et donc ma mère nous a dit bah oui, il est mort hier. Donc on a vraiment passé une journée sans savoir qu'il était mort. Ah c'est ouf parce que moi je me souviens exactement où j'étais quand ouais. J'ai appris ça. Bah, moi dans un magasin de jeans mais le lendemain. Et du coup j'ai commencé à en écouter plein et maintenant je connais très bien et voilà. Bah, mais j'ai tu connais perso maintenant d'ailleurs. Bah, ouais. Non mais j'étais à son enterrement et tout quoi. C'était... Ah putain, oui, ah, ouais. C'est il très est proche. Pas mort d'ailleurs. Très vite. J'étais dans le Périgord, moi j'étais en voiture, j'ai entendu la news à la radio, j'ai fait une embardée, j'ai tué Dossier. Ça m'a énormément marqué. Bah parce que c'était le soir. Moi je me souviens, c'était tard le c'était soir qu'on tard a le appris soir, ça. Ouais. Moi c'est un ex qui m'a envoyé un texto, je vivais encore chez ma mère à l'époque. Et j'ai débarqué dans le salon, elle était devant la télé, j'étais en larmes, parce que Michael Jackson, c'était toute ma vie, c'est le premier artiste dont j'étais fan par moi-même à mes 5 ans, j'avais découvert à la télé, j'ai fait « putain, j'aime cette personne ». Et du coup, c'est devenu ma vie, et j'ai débarqué en larmes dans le salon, et ma mère a commencé à paniquer en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Et je « Michael Jackson, il est mort !» Vraiment, là, elle a eu un moment de « putain, qu'est-ce que c'est que c'est ?» Ah oui, c'est ma fille. Elle a dit « il reste Nougaro ». Et donc, j'ai passé le reste de la soirée sur le canapé pendant qu'elle me caressait les cheveux devant la télé, en train de pleurer. Et j'ai pleuré non-stop pendant une semaine. Beaucoup quoi. De Michael Jackson cet été-là, hein, dans toutes les soirées. Oui, mais oui, mais c'est ça. Mais en plus, dès que tu passais devant un magasin dans la rue, je l'entendais, je me remettais à pleurer. C'était insupportable. Ah ouais, c'était vraiment ma life, Michael moi, Jackson. Moi, je fais un petit tour de table. Non mais moi je sais plus. Mais en revanche je me dis non non mais ça amène une question. En revanche c'est peut-être la mort de célébrité qui vous a le plus peiné. Bah du coup moi, c'est celle-là, hein, clairement. C'est celle-là, ouais. Clairement. Par exemple toi, je m'improvise animateur. Non je réfléchis. La je réfléchis. Mort de célébrité qui vous a touché. Il y a Wes Craven aussi pour les... c'est les deux pour lesquels j'ai pleuré. Ouais. Je savais pas. Moi je. Ouais, parce que moi justement je m'en vraiment souvent je m'en branle vraiment moi. Ouais. Enfin je m'en branle. Tu te branles sur la mort des gens. Ouais, je prends un billet d'avion, je vais sur leur tombe et, vraiment, et je joue sur la pierre tombale. Ouais, je bug mon tube sur la pierre tombale. Mais du coup, je peux commencer. Moi, c'est Philippe Seymour Hoffman. Ah, ça m'a vraiment touché. Alors ouais. Pourquoi t'étais... Qu'est-ce qui est à ce comédien Je sais. Alors, je crois. Moi, j'aimais vraiment. C'était mon acteur préféré, je pense, Philippe Seymour. Enfin, d'accord. C'est toujours un de mes acteurs préférés. Qui est extraordinaire mais... dans énormément de films. Magnolia, bah, dans tous les films, ouais, en fait. Oui, oui. Hunger Games. Dans c'est tous ça. Les films dans lesquels il joue, je le Mission trouve incroyable. 3, ouais. Et je l'aimais notamment parce que pendant longtemps, il a été le super second rôle, en fait. Quoi. C'était avant. Bah, après, il y a eu Capote et tout ça, où il a eu les premiers rôles, puis après, il a eu des rôles plus importants, mais il était souvent. Dans The Big Lebowski, il fait le. The Big Lebowski, ouais, il est incroyable. Dans ouais. Un film que moi, j'aime bien, qui est Polly et moi, où lui, il est, c'est juste lui, je le trouve. Et dans incroyable. Boogie Nights, il joue un creepy ouais. Tellement drôle. Il est. Voilà. En fait, ça m'a. Déjà, parce que je m'y attendais pas du tout, parce que moi, je savais pas qu'il avait des problèmes avec la drogue, etc., parce qu'il est mort d'une overdose. Du coup, ça m'a vachement marqué, et puis je l'aimais bien. Enfin, je sais pas, ça m'avait vraiment marqué. Je pense aussi que c'était genre peu de temps après la mort de mon père. D'accord. Donc du coup, ça avait dû jouer aussi, j'imagine. Je suis pas sûr, mais il me semble. Mais non, mais en vrai, c'est vraiment le truc où j'ai eu un peu, tu vois, genre les larmes aux yeux, quoi, de l'apprendre, quoi. Bah, moi ces derniers moi récemment plus que je le pensais c'est la mort du chanteur de Linkin Park en vrai Chester ouais. Bennington. Putain, oui ouais. Tellement ça m'a fait parce mal que... j'ai oublié d'en parler. Non mais c'est vrai que voilà, c'est parce que j'étais en vacances aux États-Unis, c'était cette année du coup, c'était l'année 2017, c'était juste après le Hellfest moi c'était la veille de mon anniversaire avec une année pas aussi dramatique que la perte d'un proche, mais une année où j'étais déprimé assez régulièrement. Et en plus, bon voilà, pour le coup, avec la mort de ce gars-là, c'était un peu la mort d'une certaine partie de mon adolescence aussi, puisque moi pour le coup j'écoutais beaucoup le Linkin Park. Heureusement qu'il reste la gaffe, parce que voilà, moi j'écoutais beaucoup Linkin Park, et en plus il parlait de thèmes qui me... Enfin, j'ai fait un long post sur Tumblr que les gens peuvent lire s'ils veulent. Mais oui, d'ailleurs, on a été réunis tous les deux dans un article, oui, dans un podcast, je sais plus, parce qu'on a tous les deux posté un truc. Topito. Non, mais voilà. En tout cas, moi, c'est un truc qui m'a, parce qu'il faisait des chansons sur le fait de sentir seul, sur le fait de sentir énervé, sur le fait, enfin, pas que lui, avec son groupe, mais il véhiculait ce truc-là et que ce gars-là ait fini par se dire, je me pends. Moi, c'était tout un symbole ce qui est fou. Avec cette histoire, c'est que ce soit arrivé aussi peu de temps après Chris Cornell, qui était donc son idole, et qui se soit tué exactement de la même façon. Le jour de l'anniversaire. Du moisiversaire. Ouais, c'est un peu ça. Et ces deux personnes, enfin ces deux artistes que j'aimais énormément, et Linkin Park, c'est vrai que j'ai beaucoup écouté, parce que comme je le disais, envie de mourir, dépression, enfin voilà, je suis de dépression depuis toujours. Bienvenue sur Déprime Podcast. Donc forcément, quand j'étais ado et que j'écoutais ça, je me disais, j'avais... Tout le monde se foutait de notre gueule, enfin tu sais, les plus grands se foutaient de notre gueule en disant qu'on n'écoutait pas du vrai rock avec du metal et tout ça. Parce qu'ils écoutaient Slayer. Voilà, ils écoutaient des trucs avec des métaphores chiadées. Et en fait, dans ces moments-là, j'avais pas envie de métaphores chiadées, je voulais juste quelqu'un qui disait je me sens mal, je me sens seul, j'aimerais bien me sentir moins mal et me sentir moins seul, et parfois j'ai envie de mourir. C'est tout, point. Mais quand t'es ado, c'est la musique parfaite. Exactement. Quoi. Et il y a une phrase dans une de ces chansons qui dit And I know I may end up failing too. Qui veut dire Valentin ? Bah, il n'y a pas de The dans la phrase. Qu'est-ce que tu veux que je bite de cette phrase, moi ? Alors que moi, Linkin Park, pas du tout. D'accord. Donc, tu peux juste nous dire, Taos, la j'ai horreur des espaces verts. Moi, la mort qui m'a le plus touché, c'est celle de Golden Moustache l'année dernière. Est-ce que tu peux traduire, pardon, excuse-moi. Oui, donc cette phrase signifie globalement, je sais que moi aussi, je risque d'échouer un jour. Et donc c'était une chanson qui parle de suicide. C'est sur laquelle, celle-là Pour le coup, le suicide, il n'a pas échoué. Attends, je crois que c'est le nom. D'accord, ok. Oui, c'est ça. C'est le nom. Et en plus, c'est Daddy Issues à fond la caisse qui est pour moi le thème de ma vie. Et le fait de voir Chris Cornell se suicider, Chester Bennington se suicider, et nous, enfin, on est nombreux à se battre contre la dépression, à se battre contre ces envies-là, et eux, ils se sont battus toute leur vie, et ils ont fait des chansons en disant « Ouais, on y arrive, on va y arriver, mais je sais que je risque d'échouer, mais je vais y arriver », et tu vois qu'à 40 piges passées avec de l'argent, des gosses, des familles, ils se suicident, et forcément, nous, on est tous restés là comme des cons, en disant « Bah, si eux, ils y arrivent pas, comment tu veux que nous, on y arrive ?» Robin Williams, au final, tellement mal. Pendu. Robin Williams, c'était pareil. Moi, c'était aussi. Ouais. Robin Williams, ça avait fait un truc aussi. Moi. Ouais. Et je pensais pas parce que j'aimais beaucoup l'acteur, mais voilà, comme c'est un acteur que je voyais parmi d'autres. En puis fait. Nous, et notre génération, toi et moi, ouais. Valentin, on était presque trop jeunes quand il était au top. Il y a Jumanji. Imagine si The Rock meurt. Bah voilà. Ouais. En vrai, je serais triste si The Rock meurt. Pourtant, j'aime bien The Rock. Non, mais blague à part, je sais que ça m'avait fait un peu cet effet-là de. Ah. Un comédien comme ça que, voilà qui puis l'humour qui a, quoi ouais c'est ça dans l'humour c'est... qui a eu cette carrière qui a ce talent de dire ouais mais les gars je vais pas bien et terminer ouais. Tu dis en plus il a construit toute sa carrière là-dessus sur je vais utiliser tout ça pour transcender ma douleur et ça ne suffit pas et le mec il était méga vieux quoi et tu te dis en fait là on parle de qui Robin Williams d'accord. Chester il était pas méga vieux mais en fait tu vois c'est tous ces artistes là où tu te dis mais juste Robin Williams je crois qu'il venait d'apprendre qu'il avait une maladie il avait Parkinson ou un truc comme ça et du coup je pense qu'il a dit bon allez ciao les nasses c'est con tu peux le faire au pipeau. Et du coup, je crois que c'est des bombes à aller. Oh, c'est triste. Et puis, celle de Jim Carrey me rendra triste. Ça devait être dans un ou deux ans. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, je n'attends que ça. C'est horrible comme formule, mais je suis sûr qu'il y a grande chance pour qu'il se suicide aussi. Quoi. Ouais. C'est même horrible. Si là, j'ai vu un comédien Zinchar, Tim Coffee, qui était cool. Il y a une fois où il m'a énervé. C'est quand la serveuse arrive. Il fait, vous appelez comment? Elle fait, je m'appelle Molly. Il fait, en fait, vous appelez. Parce qu'il est dans un délire, Jim Carrey, de. Ah, délire. Alors, j'emploie un terme un peu qui juge, mais en gros, il est dans un. Il voit le monde. La d'une merde. Certaine... Pour pas juger. Non, non, la mais. La grosse merde. Il voit le monde d'une certaine façon où. On est à la fois tout et rien. Voilà, être n'existe pas, tout ça, machin. Et la meuf dit, comment vous appelez Molly? Il fait, vous appelez pas vraiment Molly. Et donc, elle comprend pas trop. Elle fait, si, je m'appelle Molly. Et il lui fait un truc qui m'a vraiment. Il fait, vous verrez. Qui est vraiment un truc qui m'énerve de gens qui ont ouvert leur chakra et te chient à la gueule en disant, non. Bah, en même temps, il est anti-vax, donc le mec. Ouais, exactement. Moi, c'est à chaque fois tout que je fais, va chier. Toi, Julien, on t'a pas dit. Moi, plutôt les acteurs, mais les acteurs français, étrangement, parce que j'ai été baigné et élevé avec le cinéma français à l'ancienne, tout ça. Et du coup, à chaque fois que je vois des mecs. Mais dis un nom, bordel. J'ai vu partir Michel Serrault, Jean-Claude Brialy, là récemment Jean Rochefort, et à chaque fois, ça me fait chier. Parce que tu vois qu'il en reste de moins en moins, il reste Ariel et tout ça. Et à chaque fois, je me dis putain, encore un que je pourrais jamais rencontrer. Mais moi, bizarrement, dès qu'ils sont vieux, je fais ah. Tu sais, genre Jean Rochefort, j'ai fait. Beau. C'était une belle vie. C'est une belle vie. À chaque fois, ça fait. Je me dis c'est encore un morceau de plus. Qui... Oui. Analyse de merde, mais parce que le fait que tu vois les vieux mourir, ça te fait flipper aussi sur toi un peu peut-être. Oui, aussi. Tu vois, de dire on va tous. Ah, mais quand j'aurai son âge. Parce que tu vois, moi, il y a un côté vraiment choquant quand c'est quelqu'un qui est jeune et qui aurait pas. Mais quand c'est un vieux, c'est aussi touchant. Choquant dans le côté c'est vrai que les gens meurent et que moi aussi. C'est vrai que c'est des. Pardon. Ça rappelle. Non, mais c'est aussi toutes ces personnes qu'on a aimées et qui nous ont nourris, on était fans de plein de choses, et de les voir disparaître, on se dit en même temps ils vieillissent en même temps que nous. Oui, et donc, c'est qu'on les voit moins vieillir, parce c'est que ça. Tu revois des films ça. À 30, 40 balais, et pour et toi, d'un dans coup ta on tête, fait, c'est fini. Quoi. C'est figé. Ah, et je des, me souviens sont de... des immortels. Non. Moi, je me souviens. Personne dans ce monde. D'ailleurs, je me souviens Christophe de Lambert. Petit avoir réalisé. J'aimais beaucoup Franquin, et du coup avoir réalisé à un moment que il y avait des gens que j'aimais mais qui feront plus rien, qu'on fait des choses et que c'est terminé. Ouais. Et je me souviens donc j'avais lu tous les Gastons, j'adorais Franquin et tout. Et donc de dire qu'est-ce qui devient Franquin, parce que j'en savais rien. Ouais. C'était et de dire il moisit, il ne fera plus rien. Ouais. Julien Pestel, vas-tu sortir de nouveaux courts-métrages sur ta chaîne YouTube personnelle? Adrien ne te respecte pas, il joue de la flûte alors que tu vas nous répondre. Alors oui, car il y a quelques semaines encore, j'avais lancé une espèce de campagne pour attirer plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube pour pouvoir demander des subventions au CNC, le Centre National de la Cinématographie, pardon. Et des images animées. Oui, exactement, de l'image animée. Et on a réussi à avoir des abonnés supplémentaires, on a déposé un dossier de subvention et on a eu des sous-sous du CNC. Bravo. Allez. Donc, je suis ravi. C'est nos impôts, ça, monsieur. On s'y attendait pas trop et... Et voilà, bah là, on reprend le travail, on a commencé à écrire des trucs, des et je sketchs, tiens à dire, des courts-métrages. Je tiens à dire, parce que moi, je fais partie du comité de sélection. Oui, tu tiens à dire que tous les potes étaient dans le jury. Et en l'occurrence, sur celui-ci, je n'étais pas présent, donc ça n'a rien à voir mais, avec mais, moi. Mais j'ai croisé des gens qui étaient dans le jury et que je connaissais, et à chaque fois, je suis allé les saluer en disant ouais. « bah, merci, au fait, pour ouais. le CNC ». Ils m'ont tous dit « ah non, non, mais moi, j'y étais pas ». C'est-à-dire que tous les gens que je connaissais étaient absents de la commission. D'autres ont fait « non, mais j'ai pas voté pour toi, par contre ». Donc on va recommencer des diffusions de sketchs et de courts-métrages originaux dès le mois de mars normalement. Ah, donc là, ça rentre en mars. Là on démarre l'écriture. Ah oui, d'accord. On mais est fin un peu mars, short. Ça va être vite là, c'est ça que je veux te dire. Oui oui, bien sûr. Ouais. Ouais. OK. Bon bah écoute, on a hâte de voir ça. Donc quoi, du court-métrage mais du sketch aussi ou que oui, du oui, court oui. Ouais, OK. On va revenir un petit peu de sketch. À la galéjade. Bon bah c'est très bien ça, une très bonne nouvelle. Adrien Méniel, est-ce que tu as l'impression de revivre un peu cette grande époque de Vine à travers les stories Instagram? Tes stories sont excellentes, la récente sur Ménélique est énorme, mais je pensais à ta période Vine, tant ça semble travailler. Pas tant que ça. Mais c'est un compliment, tu le prends. Non, non, mais oui, bah. C'est vraiment. Oui, bah, déjà, merci, c'est gentil, le compliment. Mais non, ouais, oui. Ouais, ouais. Wow. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, la grande époque de. Est-ce, non, que, est-ce non, que tu revis une excitation comme à l'époque non. avec cette. Bah non, c'est ton j'ai... actualité principale en tout cas. Oui, hein, bah, d'accord. En vrai, vraiment, hein, c'est vraiment le truc dont on me parle le plus. On me dit, hé, tes stories. Je fais, ouais, bah, je sais que ma carrière est pas dingue, mais j'ai fait d'autres trucs. Mais t'en fais surtout tous les jours. Bah oui, c'est ça, bah, c'est le principe en même temps. Mais non, bah non, j'ai pas l'impression de revivre ça parce que. Vine, c'était la c'est nouveauté. Pas la même interface, ouais. Tu fais la même chose en fait, donc c'est plus la même. Et puis tu sautes 6 secondes pour pas te planter, alors que là tu peux faire des séries en pointillés, voire en point de suspension pour oui, certaines voilà. personnes. Puis même. Enfin, oui, non, mais non, voilà, non. Non, d'accord. Je m'amuse bien voilà, dans mon temps libre, mais je sais pas. Et tu nous amuses aussi. Non, mais le truc de Vine, c'était vraiment pour moi un truc. C'était en vrai, c'est les premières vidéos tout court que j'ai fait de ma vie en fait. Vine, c'est les premiers sketchs de ma vie, Vine. Ouais. Donc forcément, c'était parce que moi, genre, j'étais présent sur Internet en tant qu'auteur de bande dessinée, mais on n'avait même jamais vu ma tronche à l'époque. Donc ça y est, je commence à avoir une réponse intéressante. Non mais ça devait passer par 16 oui et 14 non. Voilà, c'était... mais non, c'est la première fois que je montrais ma tronche en fait et que je faisais des vidéos, etc. Donc c'est Vine, c'est le début de ma carrière en fait, parce que c'est comme ça après que j'ai été appelé par Golden. Et elle a pas duré 6 secondes ta carrière, oh, pas, alors, contrairement aux vidéos. Pas beaucoup plus, mais. Non, et voilà, donc forcément l'excitation maintenant est moindre. Oui. Mais surtout quand on sait qu'il y a des mecs qui sont devenus millionnaires grâce à Vine, toi finalement t'as un peu loupé le coche aussi. Voilà. Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Un peu de ça, t'es pas middle faux. Quoi. Ouais. Valentin Vincent. Oui, tout à fait, oui. Un album de prévu avec Kawaii Bukike. Bukike. Je suis un peu vraiment. Ou d'autres dates en France. D'autres dates, oui. On joue le 16 février. Je ne sais pas quand sort le podcast. Il sortira. Au Troskull. On joue au Troskull à la maison. Alors, j'ai des belles anecdotes au Troskull. Oui, beaucoup liées à des maladies vénériennes. T'en as raconté. Il y a des Bukake aussi. Peut-être les pires chiottes de France. Peut-être les pires chiottes de la Terre. Oui, mais une excellente salle pour écouter un bon concert de punk. Et une belle ambiance. Une belle ambiance le 16 février. Sinon, on joue pas mal en mars. J'ai pas les dates, mais on fait les premières parties de Guérilla Poubelle et de Trois Fromages. Voilà. Et d'album, non, parce qu'on est un groupe de scène et que tout ce qui. C'est des reprises. Et surtout, plus, le seul principe, c'est qu'on. Voilà, on fait que des reprises pour que vous chantiez à notre place et pour que ça marche directement dans la salle. Alors que, voilà. Après, il y a des très bons groupes de reprises. C'est vrai. Non, mais on fait First and the Gimme Gimmies. Ils punkent leur tube et ils font des reprises. Il y avait aussi un groupe de métal français qui reprenait des trucs aussi. Explosion de caca. Henri Death Metal aussi. Ça existe. Explosion. Alors, c'est drôle parce que Explosion de caca. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. Explosion de caca, c'est un groupe de punk. Et le batteur, c'est le fils de Henri Dess. Qui quoi était... Eh oui. Le... Y a, attends, ils avaient, pris, ils avaient repris Rémi sans famille, je crois, de mémoire. Le groupe s'appelle Explosion de caca. Le batteur de ce groupe est le fils de Henri Dess. Et donc aussi le batteur d'Henri Dess. Et il a un groupe de punk. Explosion qui s'appelle... Il n'est pas sorti de sa période anal. Apparemment, non. Et donc voilà, Explosion de caca, qui est un génial. Vrai groupe. Et donc non, pas, pas d'album de prévu, parce qu'on ne veut pas... j'allais dire niquer la surprise, mais je pense que c'est qu'on n'est pas capable de faire un album et qu'on mais voit si, pas trop l'intérêt. Rigole, mais par contre, non, des petites, il y a une vidéo bientôt de prévue. Donc on a filmé Punk Mon Tube sous tous les angles. Et donc on va faire une petite vidéo, je pense, d'un morceau ou une petite, un petit pêle-mêle de la soirée. Et après, voilà, d'autres possibles projets aussi en vidéo avec Kawaii Bukake, mais surtout des concerts en mars, principalement. Une, une reprise de Crazy Frog envisagée ou pas? Pourquoi pas? Donnez-nous, non mais en tout donnez-nous des reprises, on va renouveler notre set. Moi j'adore les reprises de Crazy Frog parce que vraiment c'est juste le principe, c'est exactement le même air. Et à un moment, Crazy Frog chante l'air en faisant ring, ding, ding, ding, ding. Voilà, ça chante génial. Et rappelons quand même que Crazy Frog est une grenouille qui imite la mobilette. Voilà donc ça chante aussi. Il fait de l'air mobilette. Petite anecdote sur Crazy Frog, c'est qu'à la base, c'est un personnage qui s'appelait The Annoying Frog. Oui, mais c'est parce que. Non. The Annoying Thing. Thing, pardon. Ah. Et c'était juste ce personnage à la con qui faisait de la fausse moto. Ça a été racheté par des gens qui ont dit, nous, on voudrait en faire un album et en faire des clips et tout. Mais déjà, ça, c'est fou. Ouais. Mais en même temps, ils ont bien fait parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup de thunes. Et ils ont fait des sonneries de téléphone aussi. Mais à la base, c'était vraiment juste un gars qui avait fait une anime en 3D dans sa chambre, quoi. Et qui avait créé ce personnage. Et les mecs ont dit, The Annoying Thing, machin, c'est un peu dur à prononcer, comme j'en témoigne à l'instant. Ils ont dit, on va l'appeler Crazy Frog. Et on peut aller voir sur le Wikipédia de Crazy Frog, c'est marqué. Le créateur du personnage a dit, si j'avais su qu'ils allaient lui donner un nom comme ça, j'aurais jamais accepté, parce que ça n'est pas une grenouille et elle n'est pas particulièrement folle. Et le mec a vraiment dit ça. Rien ne prouve qu'elle est douée de folie. Voilà. Donc, vraiment... Il a dit, il était très énervé qu'il l'ait appelé Crazy Frog, parce que c'est pas une grenouille. Ouais. Et une dernière question, peut-être pour finir. J'ai un pestel, d'autres enculages prévus sur la toile? Ça dépendra des textes qui arrivent, notamment avec Adrien, parce que il m'aide à gratouiller aussi des nouvelles idées de courts-métrages et de sketchs. Gratouille. Mais me connaissant, il y aura peut-être une ou deux levrettes qui traînent. une dans l'escalier. Voilà, à sec. Restons à la finesse. Eh bien, quelle meilleure façon de terminer ce podcast que par cette phrase. Je vais refaire un petit tour de table pour qu'on puisse redire un peu notre actualité ou nos projets en cours. Donc, Valentin Vincent, alors toi, je sais que là, tu as eu une année. Oh, tu as été très occupé et tu vas pouvoir peu en dire, ce qui est quand même c'est dingue. C'est vrai, mais je vais quand même un peu en dire parce que j'ai fait que ça et donc les gens ont l'impression que je n'ai rien fait pendant un an et demi. Mais tu as été ô combien occupé. Et voilà, j'ai co-écrit et co-réalisé une série qui sortira, je crois, en mars, mais pareil, on ne doit pas trop le dire. Mais voilà, c'est quand même une grosse série de fiction d'époque. On n'en dit pas plus. Je n'en dis pas plus, mais voilà. Moi, je peux dire que j'ai aussi écrit dessus. Oh, oui, et que Pestilence a un mini rôle dedans. Un mini rôle. Oui, voilà. On n'en dit pas plus. C'est vrai. On n'en dit pas plus. Et sinon des projets. Donc Kawaii Bukake. On joue donc le 8 mars projets. Et le 23 mars. Je viens de vérifier à Paris. D'accord. À la Maroquinerie et j'ai oublié où. Bref, c'est pas grave, vous regarderez. Et votre skull, mais et une autre salle. Parce que c'est pour ça. Sinon, avec Julien, on continue. On a déjà annoncé qu'on allait faire Truth Boy en BD. Ouais. Et le projet n'est pas mort, même si ça fait deux ans qu'on dit on va faire Truth Boy en BD, mais on a eu des déboires. Et là, c'est normalement bien parti. Donc là, ce soir, on vient de terminer un nouveau séquencier. Et donc voilà, ça avance bien. Donc ça, ce sera dans 3 ans, mais voilà, Truth Boy en BD, quoi. Méga champ max. Alors, c'est pas confirmé, mais ça avance, c'est pas mort du tout, quoi. Bon, ok, cool. Julien Pestilence, on en a un peu parlé, mais donc cette chaîne YouTube qui revient. Oui, le retour de la chaîne YouTube dans quelques semaines. La série de Valentin, notamment, avec cette apparition dans la série. Une autre série dont on ne peut pas parler non plus. Ouais, voilà. Mais sur lequel on a bossé avec Adrien et dont on parle dans tous les podcasts en disant ouais, ça arrive. Les gens commencent à poser beaucoup de questions. Qui est moins bien. elle est vraiment. Écoutez, elle est moins bien que ma série. Non mais bon voilà, une autre série, et vraiment je sais que les gens s'impatientent et commencent à dire vous foutez bien de notre gueule, vraiment. Quelqu'un m'a ressorti apparemment un podcast de l'épisode, moi j'aime bien que les gens citent les épisodes pour que je me repère, en disant mais dans l'épisode l'amour c'est comme chier, vous aviez dit que ça devait sortir en septembre. C'est vrai. Et on pensait aussi. C'est vrai. On pensait aussi. Je pense que ça ne sortira pas. D'ailleurs. Voilà. Non, c'est ça. Ça arrête pas d'être repoussé. Voilà. Mais quand ça sortira, vous comprendrez pourquoi. Comme une bonne chasse. Bah non, en plus ils comprendront. Non, ils vont se dire ils auraient pu en parler avant. Bon, ok, bon, écoutez. En tout cas, normalement ça devrait sortir en 2018. Aux dernières nouvelles, ça sort en 2018, ça c'est sûr. Après le mois, on verra. Deux excellentes séries. Deux séries que ce sera à vous de juger, mais normalement. Non, elles sont excellentes. D'accord, elles sont excellentes. Et sinon, Julien, non, d'autres. Et sinon, non, bah, comme je vous disais tout à l'heure, en off, je tourne demain une émission avec Michel Drucker. Alors, est-ce que tu peux présenter Michel Drucker pour les gens qui ne le connaissent c'est pas? C'est un mec qui, bon, il a des cheveux en pissenlit. Non, non, non, mais enfin voilà, une émission d'humour en axée sur les parodies, pardon, avec des sketchs en plateau dans lesquels je joue et qui sera diffusé un samedi soir. Ah, tu vas faire du sketch en plateau devant un public? Ouais, ouais. Et est-ce que tu te chies dessus? Et devant Michel. Et sympa. Michel. C'est très très flippant. Et il est sympa, Michel. Il est adorable. Franchement, faut pas que ça te fasse flipper de jouer de la comédie et faire de l'humour devant Michel Drucker, qui est un gars qui a vu Coluche, des proches et bon nombre d'humoristes cultes. Tirer le Luron. Par contre, son chien est beaucoup plus. Ouais, moins critique. Il est moins critique, bon public. Taous, outre ce livre dont tu nous as parlé, ces livres, mais donc surtout un. Vu que tu as une date de sortie, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu vite fait? Alors, 14 mars, recueil de lettres qu'on a écrit donc tous ensemble, bah, sauf avec vous parce que je vous aime pas. Elle est dure. Elle parlait d'Adrien et de Flaubert. Donc, lettre à l'ado que j'ai été, ça sort aux éditions Flammarion. Et normalement, fin d'année, si j'arrive à bout de ce projet-là, un grimoire pour sorcières modernes chez Pygmalion. Très bien. Voilà. Et bon. Normalement, il y a un autre truc qui est aussi en préparation avec une autre maison d'édition. Allez. Mais en disons pas trop. Le grand livre de la chatte. Qui est un bon titre, par contre. Attention, hein. Ça, c'est un bon titre. Mais en vrai, il y a pas mal d'hommes pourraient lire ça et en apprendre, beaucoup. Pense, En vrai. Où ça se situe, déjà? Mais même... même les femmes. J'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes qui disaient qu'elles connaissaient pas leur propre... Non, mais il y a des livres. Hein, oui, bien sûr. Non, mais c'est pour dire que c'est pas tant une blague que ça. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas un énorme choix. Enfin, moi, j'en ai lu beaucoup pendant mes recherches pour justement Le Grand Mystère des Règles. Il y en a un qui s'intitule tout simplement Vagina, qui est quand même le meilleur titre. Ouais. Moins bien. Voilà. Vagina en anglais, oui. Mais en français, ça s'appellerait Le Grand Livre de la Chatte. Ouais, voilà, bien sûr. The Vagina. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent si je vais écrire un truc sur la sexualité, un truc sur la chatte, un truc sur machin. Et en fait, bah non, parce que j'ai pas envie. C'est des sujets que je trouve cool et que j'aimerais voir aborder, mais c'est pas parce que je me suis sentie d'écrire un livre sur les règles que je vais forcément écrire des trucs sur tous les sujets autour. Surtout parce que d'un vagin ou sur des choses en général, quoi. Voilà, ouais. Même si c'est... Non, mais c'est des sujets intéressants. C'est des sujets super cool, c'est juste que il n'y a pas que moi qui suis capable de le faire. Loin de là, il y en a qui le feront beaucoup mieux que moi, donc je préfère laisser ma place. Moi, j'ai fait mon expertise, je me sentais très à l'aise sur le sujet des règles, j'étais sûre de moi et je suis très fière de ce que j'ai fait. Après, je vais pas me forcer à rester dans ce... Oui, Tu en as eu, toi, déjà? C'est pour ça que tu te sentais peut-être plus à l'aise d'en parler? Accessoirement. Et d'ailleurs, en vrai, ça, c'est une question. Est-ce que ça, t'as réussi à gérer un peu les émissions, les trucs? Est-ce que ça va toutes les télés... Parce que j'ai vu que t'avais fait quand même plusieurs télés. Ouais. Est-ce qu'à chaque fois, ça s'est bien passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop un truc de... Alors, du coup... Et donc, vous parlez du sang de la chatte? Non, ça va, non, on n'était pas non, dans bah ce non, truc. C'est juste que du ici, coup, quoi. C'était... C'était ça. C'était voilà. Plus... Il n'y avait pas un gars qui disait, les grands livres, c'est les règles et la chatte? Non. Alors, mais là, Newt. Attends, non, mais attends, l'enculeur, il va parler. Attends, vas-y. Et oui, Floodcast, le podcast, pire que la télé. Donc, non. Floodchat. Non, le truc, c'est... Putain, je suis niqué. Floodchat. Un flow de chat. Un flow de chat, ouais. Pas mal, non? Fluidcast. Fluidcast, ouais, ça marche. Ah, allez, beaucoup mieux, voilà. Merci. Donc non, c'est juste que c'était des questions très basiques et très répétitives et que du coup, mon discours, maintenant, je le connais par cœur et que je répétais sans arrêt la même chose. Mais pourquoi faire un livre là-dessus? Voilà, ouais, exactement. Je l'ai vu passer 3-4 fois. Ouais. Exactement. Mais en même temps, tout le monde ne regarde pas la même chose et tout le monde n'écoute pas la même chose, donc il faut bien répéter les mêmes trucs au bout d'un moment. Donc j'ai découvert le cercle merveilleux de la promo où tu passes ton temps à répondre sans arrêt la même chose. Bien sûr. Mais maintenant, voilà, je sais que je suis rodée là-dessus et que tu peux me poser toutes les questions que tu veux. A priori, je peux m'en sortir, quoi. Très mais bien. Je me chiais dessus complètement à chaque fois. Hein. Pour des raisons évidentes. Les gens qui me connaissaient me peut-être disaient que je le voyais. Alors ça vient, pour coup. Comment? Ça vient, il y a un livre sur le caca qui va sortir. Exact, oui. C'est vrai. Bon, écoute, très bien. Avec une préface. C'est noté. Non. Voilà, bon, écoutez, merci à tous. Et puis, écoutez, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un nouveau Floodcast. Je vous fais des bisous. Ciao. Salut. Bye. Ciao. Salut. Bye. Oui. La fiesta, c'est crazy flow. the brakes. I let me hit it all in my. You don't wanna be late.